Salut à toi, auditrice, auditeur de Radio Gameoze. Bienvenue dans l'émission hors format, de retour après quelques temps d'absence. Je vais tout vous expliquer si vous avez déjà oublié. Le concept, je reçois plusieurs invités dans ce studio. Généralement, ce sont des artistes. Et il arrive qu'ils ne se connaissent pas. Parfois, ils viennent ensemble. C'est un moment d'échange où tout le monde papote et vous apprendrez bien sûr à découvrir ceux qui sont là, à connaître leur univers, ce qu'ils proposent. Aujourd'hui, il y a déjà, je précise déjà, puisque ceux qui ont regardé sur la page Facebook de Radio Gameoze, vous avez peut-être vu que j'avais annoncé les deux auteurs-compositeurs ici présents. Je vais tout de suite les nommer. Tiens, Grégory Paradisi et Eve Petri, bonjour à vous. Bonjour. Salut Mika. Et oui, je dis déjà parce que l'invité surprise, t'as vu ça sur Facebook ? Eh ben oui, je crois qu'il y a une invitée surprise. Ah oui, on va attendre parce que pour l'instant, la surprise n'est pas arrivée. C'est ça les surprises, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à échanger entre vous, en plus de répondre à mes questions, si vous en avez envie, si vous avez des questions à vous poser réciproquement. Ou des comptes à régler. Ouais, c'est ça, parce que, on va le dire tout de suite, d'habitude, j'avais la question rituelle, est-ce que vous connaissez déjà, mais là, j'ai même pas besoin de poser, vous l'avez compris, ils se connaissent, Eve et Greg. Ce qu'il y a de bien, c'est que, et vous, si vous êtes fidèle à Radio Gameoze, vous connaissez déjà Greg, parce qu'il vient depuis plus de 10 ans ici, depuis la sortie du premier EP. En 2007. Et maintenant, il y a eu un album qui a suivi. Et d'ailleurs, t'avais plus de cheveux aussi. Le Parfum des Souvenirs. Ouais, c'est ça, les souvenirs. C'est le nom de ton album, Le Parfum des Souvenirs. Oui, les souvenirs capillaires également sont éloignés. Et puis, tu es là puisque le prochain album, tu nous en avais parlé il y a quelques mois. Il sortira bientôt. Ça sera l'année prochaine, en début. Au mois de mars, je pense. Ouais. Et si Eve est ici, c'est aussi parce que vous formez un duo. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Pour l'instant, on connaissait Grégory Paradisi en solo. Et maintenant, il y a le duo et le nom est plutôt sympathique. Il s'intitule Sorbet Citron. Est-ce que déjà, vous pourriez, avant de nous raconter un peu l'histoire de ce duo et expliquer le nom, votre rencontre à tous les deux, de quand date-t-elle et dans quelle circonstances, on veut tout savoir. Alors, on se connaît déjà depuis le collège. On n'a jamais partagé de classe ensemble, mais on s'est côtoyés donc au collège. Et puis, on a été amenés à se revoir sur Gérardmer pour les concerts de l'un ou de l'autre. On a partagé aussi le même prof de guitare. Mais il faut en parler parce que Mika le connaît très bien. En fait. Il est déjà venu ici proposer son coffret guitare, en tout cas sa méthode d'apprentissage à la guitare. Voilà. Et donc, c'est Michel Hans. Ouais. On participait à, comme on était ses élèves, on participait à ses spectacles, quoi. Donc, on a été amené à se revoir avec Eve de temps en temps. Et à rejouer ensemble, d'ailleurs. Enfin, à jouer ensemble. Et à jouer ensemble, ouais. Avant ça, alors, c'est ça qui est plutôt sympathique, c'est que le fait que vous connaissiez au collège, et puis, au bout d'un moment, vous vous retrouvez, vous vous perdez de vue, vous vous retrouvez, puis vous décidez de monter ce duo Sorbet Citron. Tu peux expliquer la petite histoire. Elle avait déjà un duo l'année dernière, qui a duré 4 ans. Et puis elles se sont séparées et je les suivais moi sur les réseaux sociaux et je lui ai proposé direct. De m'accompagner à la guitare. Ouais. On se suivait mutuellement. J'avais déjà l'habitude d'aller à quelques-uns de ses concerts. Lui venait me voir en concert avec mon autre collègue musical donc de l'époque. À ce moment-là, on se voyait de temps en temps. Et puis, quand je me suis séparée de mon duo, il m'a proposé de m'accompagner à la guitare. Et c'est une première pour lui parce qu'il a jamais trop joué que seul depuis toutes ces années. Oh, c'est pas tout à fait vrai, Vous qui écoutez, vous rappelez quand il était bassiste, du groupe Moonlight. Ça a été quand même une parenthèse de ton parcours. Et ça fait combien de temps aussi? Ça fait plus de 15 ans, non? 10 ans? Moonlight? Oui. Non, c'était pour le deuxième album? On va dire de 2006 à 2010, quelque chose comme ça. Deuxième album de Moonlight, oui, groupe donc. Rock Jérômois, et la tournée qui a suivi avec de belles premières parties, hein, notamment Ange, Mademoiselle K, Pigalle. C'est ça, ouais. C'était, ah, c'était une belle expérience. Je pense, mais oui. Mmh. Et puis qui a, tu nous le diras, hein, mais certainement enrichi toutes les expériences qui ont suivi, et notamment avec Eve. Alors là, vous nous avez un peu expliqué votre rencontre, et puis on va aussi dire le pourquoi alors du nom Sorbet Citron. Ça, c'est toi qui sais. Bah. C'est toi qui as choisi, Eve ? Non, pas du tout. Mais en fait, on était en recherche d'un nom de groupe depuis une semaine, enfin depuis quelques semaines peut-être. Et on s'est trouvé à... Je suis allée le voir à un concert au copain d'abord, à Gérard May. Et puis, il est fan de sorbet citron. Il se commande des boules de sorbet citron en dessert. Le truc qui est bien acidulé, qui fait mal à l'estomac. Et puis, quand il a pris sa commande... Je sais pas, ça a fait tilt. Pour rire, on s'est dit que c'était rigolo comme nom de groupe. Et puis, il a adhéré aussi. Et voilà, ça n'a pas plus de sens que ça. C'était juste qu'on a trouvé que ça sonnait bien. Ah bon, moi, j'ai cru qu'il y avait un sens, justement, par rapport à la musique que vous proposez. Tu parlais d'acidulé. Ça peut être ce qui définit aussi votre répertoire ? Oui, bah, on essaie d'être dans la légèreté, dans... Enfin, oui, voilà, quand même, on se prend pas trop au sérieux, on... Donc c'est vrai que ça peut correspondre aussi aux caractéristiques du sorbet citron. Là, c'est la légèreté, l'acidulé, le frais. Donc ça collait bien. Et je vais tellement loin dans les pensées que j'avais imaginé que c'était aussi par rapport à Eve qui est blonde. Je m'étais dit citron, blond. Non, pas forcément. C'était pas ça. On va parler du répertoire. Comment vous pourriez nous dire ce que vous chantez et aussi combien il y a de titres à celui-ci ? Alors, le groupe est assez frais. Hein. On a commencé à travailler ensemble en avril. Donc, on nous a proposé des dates dès que le duo a été créé, en fait. Du coup, on s'est mis un bon coup de pied aux fesses. On a travaillé pendant 2 mois... d'arrache-pied pour pouvoir être prêt en été, et on avait pour commencer 35 morceaux à peu près pour pouvoir tenir un set musical. Là, on en a une petite 36. Quarantaine. Non, mais depuis, on a énormément joué, donc on n'a pas encore eu le temps vraiment d'étoffer le répertoire, mais on peut déjà jouer comme ça. On a déjà tourné comme ça avec 35-40 chansons. Votre voilà. Formation avant l'été, puis les concerts, ça a bien marché cette année, ça allait bien justement avec le nom Sorbet Citron. On a pu vous entendre notamment chez vous, vous habitez tous les deux à Gérard May. Oui. Et alors les différents lieux où vous avez joué. Alors, oui, donc enfin on a commencé les répétitions début avril, première date le 24 juin, je crois que c'était à la grande braderie. À la braderie de Gérard May. Donc on avait 2 mois, on a vraiment bien cartonné pour être prêt. Puis après, beaucoup de dates cet été. Donc il y a eu, tu voulais savoir les dates, les endroits, juste les lieux, quels endroits Il y a eu San Remo, pas mal. Il y a eu les copains d'abord. Il y a un endroit qui s'appelle la Bodega qui vient de s'ouvrir à Gérard May il y a quelques mois. Donc on y joue régulièrement là-bas. C'est un endroit très convivial. Et puis après il y a un peu de soirées privées. On a joué aussi en Alsace à Strasbourg pour une soirée caritative pour un petit gamin qui a des gros soucis. C'était très sympa cette soirée à Strasbourg d'ailleurs. Et puis voilà. Oui, j'ai pas d'autres lieux en tête, mais ce sont des reprises ce que vous faites entendre avec cette formule. Oui, moi je suis pas du tout auteur-compositeur. Donc par contre comme Greg est un très bon guitariste, ça m'a permis de pouvoir chanter un petit peu tout ce que j'ai envie de chanter parce que j'ai son appui à la guitare, et moi j'ai vraiment des goûts très éclectiques. J'aime beaucoup chanter en anglophone. Avant, je faisais partie d'un duo et puis je pouvais pas chanter en anglais comme je voulais. Mais là, donc avec Greg, je fais beaucoup de titres anglais. Et puis ça passe par tous les styles et puis par toutes les époques aussi. On fait du rock and roll, on fait de la chanson française, on fait du rock et des chansons qu'on essaie d'adapter à notre goût. Et puis à la formule qu'on propose, donc deux guitares, Et surtout une voix, on essaye de mettre des chœurs et tout ça, mais le répertoire est très varié. C'est acoustique. Oui. Quelle est la chanson pour toi, Ève, qui était obligatoire, peut-être la première que tu as demandé à Greg de jouer avec lui? Il y en a une en particulier? C'était Armstrong. Oui, je pense. On est parti sur une chanson qu'on connaît bien en commun, qui faisait partie de mon répertoire précédent, enfin que Michel Hantz nous a fait travailler à l'époque. Donc c'était peut-être à Armstrong, oui. Est-ce que vous pourriez nous la jouer en direct dans le studio de Radio Gamozo? Vous avez... attendez. Vos guitares, vos voix, bien entendu. Ça tombe bien, hein. Ok, arrête, Lazare. J'avais pas répété celle-là. Le temps pour nous de se préparer rapidement. C'est vrai, hein, puisque comme d'habitude, je ne parle pas beaucoup avec les invités juste avant. J'aime bien la spontanéité et parfois ça donne de jolis moments. Et vous, celle-ci, vous n'y aviez pas pensé alors, sérieusement? Si, mais. C'est pas celle qui me plaît le plus, moi, en fait. C'est la préférée d'Ève. Bah oui, forcément. Ouais. C'est son répertoire. Non, mais c'est vrai. Moi, je n'impose rien dans ce duo. Enfin, disons que voilà, c'est ça part de ses idées. Tu te mets à son service, au service d'Ève. C'était vraiment l'idée de départ, quoi. D'ailleurs, il me donne un petit surnom sympa. Il m'appelle Maîtresse Ève. Oui, Maîtresse Ève. Oui, Maîtresse Ève. Ça fait un peu sadomaso, votre truc, là. Oui, c'est ça. C'est en concert, souvent, on est bon. Non, parce que si je fais une fausse note, ça arrive rarement. Coup de fouet, là. Eh ben, ouais. J'en fais plus que lui. Hein. Ça rigole pas. Elle en fait plus que moi, mais comme elle a toujours le volume de sa guitare à zéro, des fois même, du coup, on l'entend pas. Vous êtes prêts? Ouais, on y va. On va essayer. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de beau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut, les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te vends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Oh. Bravo, Greg et Eve, merci beaucoup. Le duo Sorbet Citron en direct du studio de Radio Gemozo avec cette reprise d'Armstrong, chanson de Claude Nougaro. Et j'avais pourtant l'impression que votre répertoire était plus anglophone, mais cette première chanson est francophone. On est parti sur des choses plus basiques, enfin plus populaire, enfin pour départ, démarrer, ouais. Et puis après on s'est un petit peu plus mouillé sur des revisites anglophones, mais le répertoire n'était pas créé à la base, il s'est vraiment créé au fur et à mesure, donc. Et vous continuez au fur justement à mesure des dates de rajouter des chansons. On élimine et on rajoute. Oui aussi. Et vous faites à la demande du public quand vous êtes. Est-ce que c'est le côté le style jukebox? Il y en a un qui dit gueule 30... un titre. Et ouais, avec 35 morceaux, c'est difficile de... Mais avec le répertoire de Greg, on rallonge. Oui, aussi. On rallonge parfois la sauce. Ouais. Tu joues tes propres compositions, Greg? Avec le duo, ça arrive, Sorbet Citron. Ouais, ça arrive. Puisque vous l'avez compris, hein, mais peut-être que vous le savez déjà si vous écoutez notre radio depuis longtemps. Grégory Paradisi, contrairement à F, comme tu le disais, tu n'es pas auteur, compositeur, interprète. Enfin, tu es interprète, si, mais pas auteur, compositeur. Tu es musicienne aussi, on a pu l'entendre. Tu joues de la guitare. On verra tout à l'heure à vos parcours respectifs en parallèle de ce projet en commun. Comment vous avez débuté la musique, etc. Mais ce sera après. Oui, Greg, toi, tes chansons en solo, on parlait du nouvel album au mois de mars prochain. Ouais. C'est pareil, on l'évoquera un peu plus tard. Donc, mais d'après ce que vous dites là, il peut arriver que, quand même, avec Sorbet Citron, tu joues quelques titres comme ça. Donc tu les as, tout comme les reprises d'ailleurs, donc ce sont des arrangements, hein, d'après ce que tu expliquais, c'est que vous choisissez un morceau qui convient à tous les deux, puis après, Greg, tu l'arranges? Bah après c'est vrai que forcément à deux quand c'est des chansons rock pop on est obligé de les arranger puisqu'on est que deux guitares acoustiques forcément. Pareil là je suis un peu Eve. On se détache des versions sur ces arrangements. On se détache des versions radio, moi je les fais je les fais comme je les entends si ça m'inspire une telle rythmique ou Enfin, oui, c'est au feeling, on n'essaie pas de coller aux versions originales, mais de toute façon, enfin voilà, avec deux guitares, effectivement, on pourrait pas dans tous les cas, mais donc ça donne des fois des morceaux plus ou moins revisités. On parlait d'évolution, ça ne serait pas possible qu'un autre musicien vienne vous rejoindre? Non. Ça fonctionne comme ça les deux? Si, bien sûr, après, on joue dans des endroits aussi où c'est du boulot en où il y a moins de place, enfin il y a pas suffisamment toujours de place pour les plus grosses formations au niveau de de la place. C'est sûr que c'est plus facile d'être pris aussi, par faut le dire non mais par deux. C'est sûr que c'est plus facile de chanter à un ou à deux que de jouer à trois ou à quatre quand le budget est réduit quoi. Bon, alors on aime bien jouer mais on aime bien aussi gagner un petit peu notre vie aussi. Ouais, c'est donc, sûr. Ouais. Peut-être pas de batteur pour votre duo. Mais pourquoi pas un album avec vos propres chansons? Donc, ça serait une évolution possible, cela? J'aimerais bien, moi. Oui, bah moi aussi, mais enfin voilà, le duo est encore très frais, et il a pas un an, donc on verra. Quand le sorbet aura fondu un petit peu. Quand la glace aura prise. Non, mais on ferme pas la porte à ça, à composer. On rappelle, c'est vrai que votre duo est né juste avant l'été. C'était le bon moment pour ce Sorbet Citron d'être du côté de Gérardmer pour pouvoir passer l'été avec les gens qui étaient là et surtout passer qu'il des bons moments. Il y avait chaud cet été, donc c'était bien. Ouais. C'était des bons moments, j'imagine, avec le public. Non, l'été, puis cet été, c'est vrai que c'était bien parce qu'il a fait beau tout le temps et que on n'a pas été obligé de regarder le ciel à chaque fois, est-ce qu'on va pouvoir jouer ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits où on joue l'été, s'il pleut, c'est annulé et puis c'est tout. Donc là, c'était vraiment nickel, on n'avait pas besoin de regarder le ciel, on savait qu'on allait jouer à chaque fois. C'était super. Vous avez des dates prévues prochainement ou pas? Alors. Oui. Lundi, c'est une soirée privée. Oui. Mais vendredi, on est à la Bodega. Vendredi 21, la Bodega, à Gérardmer, à la Bodega. Je sais jamais. Le 27, au Valais, à la Bresse. Oui. Le 4 janvier, à la Bodega. Oui, c'est ça. Le casino, au 1er février. Exact. Et... Le 1er mai, on va à Sarreguemines. On va animer le repas des bénévoles d'un festival où je suis allé jouer il y a 4 ou 5 ans. Et puis voilà, c'est peut-être l'année prochaine on pourra jouer au festival. Oui. Et pour ceux justement, Greg, qui voudraient vous faire jouer, que doivent-ils faire? Quels sont les contacts? Alors, le numéro de Eve, elle. on peut nous trouver sur Facebook, sur la page Sorbet Citron Groupe Concert. Faut bien préciser, Groupe Concert. Si on met juste Sorbet Citron sur Facebook, je sais pas si on va tomber sur des recettes de glace, mais Sorbet Citron Groupe Concert, là, c'est sûr qu'on nous trouve. Voilà, enfin, c'est le plus simple moyen de nous contacter. Par ce biais, et puis, si vous voulez suivre l'actualité d'Eve et Greg, et puis, comme on vient de le dire, les faire jouer, que ça soit... puisque là aussi, hein, c'est vrai, Greg, c'est une de tes spécialités en solo, tu joues beaucoup dans les restaurants, hôtels, bars, oui. Donc c'est aussi possible pour le duo Sorbet Citron, oui, mais ça peut être aussi dans différentes salles, pour des associations, peu importe, même des particuliers, puisque... C'est ça que j'aime bien, et à chaque fois que tu viens, Greg, je le rappelle, et j'essaye d'en parler beaucoup autour, puisque vous, qui êtes artiste, artiste, même si vous êtes public, que vous avez envie de passer un moment convivial chez vous, vous pouvez aller sur le site concertenappart.com. Faut qu'on crée notre page. Oui, il n'y a pas de Sorbet Citron pour l'instant. J'ai regardé, il y a juste encore la tienne, Greg, mais vous n'y êtes pas. Faut qu'on le fasse. Et ce site, concertenappart.com, comme son nom l'indique, ce sont des concerts chez vous, à la maison, en appartement. Et vous pouvez chercher facilement par région les artistes près de chez vous qui vous conviennent. Et il y a tout un listing. Et puis, il y a les tarifs. Enfin, parfois, il faut quand même contacter parce que, comme toi, il y avait une fourchette, Greg, mais après, c'est à la demande. C'est oui, selon. On s'adapte. Oui. Quand ils jouent nus, c'est vachement plus cher. Ah, c'est super cher. C'est inabordable. Mais c'est génial, ça, hein, la formule concert en appart. Ouais. Malheureusement, j'y vais. Est-ce que tu en as fait? J'ai encore jamais fait un concert avec ce site. Ah bon, mais parce que déjà, la demande est rare. Bah, du moins en province. Je pense qu'à Paris, ça se fait plus, ou dans les grandes villes. Et puis, il y a toujours une multitude de groupes d'inscrits sur le site. Alors, ça divise forcément la demande. Oui, et puis j'ai pas l'impression, moi, que les gens ont pris l'habitude. Puisque souvent, quand j'en parle, on me dit qu'on ne connaît pas. Non, c'est vrai que c'est pas très... Les gens sont souvent surpris quand je leur annonce... concertenappart.com. C'est facile, hein. Même vous tapez concert appartement, ouais. Et puis vous tombez tout de suite en première. C'est pas le seul site, hein. Je parle toujours de celui-là parce que c'était le premier, hein, je crois vraiment. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres sites, hein, qui font forcément. Il y en a d'autres qu'au copier, quoi. Une plateforme qui crée le lien entre public et artiste. Ouais. Par rapport à Sorbet Citron, est-ce qu'il y a un deuxième titre que vous pourriez jouer, et cette fois en anglais? Oui, avec plaisir. Alors. Alors. Est-ce que, mais tiens. Laquelle? Oh non. Oh, elle a peur. Je lui propose le Queen parce que c'est super quand elle chante le Queen. Et surtout que ça, c'est un appel à notre invité, hein. C'est que je crois que c'est son groupe préféré. Ah, alors, on va attendre qu'elle arrive. Voilà. Zut, fallait pas dire qu'elle était encore pas là. Gardez-la sous le pied, puis comme ça, c'est un indice. Tiens, si un auditeur qui a trouvé de qui on parle pour l'invité surprise, vous pouvez y appeler. Vous aurez le droit à un CD gratuit de Sorbet Citron. Ça tombe bien. Il n'existe pas. Tu voulais faire quoi? Ah, YouTube, je c'est vois, ça? Ça tombe bien. Et vous savez quoi? Je viens de voir par la fenêtre. Ah. De la place de l'hôtel de ville. Nous sommes au 8 place de l'hôtel de ville à Saint-Étienne-Hermiremont. Si vous voulez nous rendre visite, vous pouvez. Les artistes seront contents de vous voir. Il y a de la place en studio. Je viens de voir l'invité surprise qui va se garer. Ah. Est-ce que vous ne joueriez pas justement le Queen et qu'elle ouais, arrive juste ça, là? Ouais, comme ça, avoir une bonne surprise. Bah, à mon avis, elle écoute dans la voiture. Donc, la surprise, elle est déjà râpée. Hein. Ah, zut. Par contre, j'ai un appel à faire si s'il y en a qui veulent rejoindre le studio pour nous retrouver, qu'ils n'oublient pas de ramener de la bière. Oui. Eh oui, parce que ici on n'a pas nous. C'est quelque chose qu'on ne consomme pas du tout. Et vous l'avez vu, il n'y a que de l'eau. Qu'est-ce qu'elle boit, ma collègue, c'est terrible, terrible. Ça doit être rigolo en fin de soirée. Ouais, ouais. Des reprises. Ou pas. Mais non, je chante, j'ai pas le temps de, j'ai pas le temps de les descendre non plus. C'est après. C'est juste après, oui. Ah. Ah, ça sonne. Ah bah oui, parce que, oui, alors, ah bah, vous avez commencé le titre, et je vais m'occuper. La porte est fermée en bas. Allez-y, je vais commencer si vous voulez, merci. Allez, vas-y, c'est toi qui commence. Sorbet citron. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind a curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody know? Won't take it anymore. Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another fair remains. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be woman now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making to be free. Show must go on. Show Sorbet Citron, merci. Merci. C'est bien, maintenant je peux applaudir parce que je ne suis plus seul, à part les artistes, puisque l'invité mystère, surprise, comme vous voulez, ah, est arrivé, nous a rejoint. J'espère qu'Ève et Greg, vous êtes contents. Bonjour. De la présence de Bonjour. Lou. Lou, enchanté. Enchanté. Enchanté. Ah oui, c'est vrai, les aléas du direct, il fallait que tu règles mon micro. Oui. Et on va expliquer un petit peu, puisque vous connaissez certainement Lou, qui est animatrice ici à Radio Game Ozo, qui officie au quotidien, Greg, c'est mitigé, c'est mi-fig, mi-raisin avec la boule citron. Je suis trop honnête, en fait, j'aurais dû dire, mais bien sûr. Mais en tout cas, toi, comment? Bien sûr, tout le monde connaît Lou. Bah, les auditeurs, surtout, ceux qui écoutent du lundi au vendredi de 18h à 19h L'heure des loups, l'émission où elle reçoit aussi du monde ici, tout thème confondu, hein, tout type de personnes. Et je souhaitais que vous, qui l'écoutez dans l'émission, qui la connaissez en tant qu'animatrice, vous la voyez aussi sous un autre angle, c'est-à-dire l'angle, le prisme artistique, puisque Lou, en plus d'animer la radio, fait pas mal de choses. Elle peint, elle prend des photos, elle joue de la guitare aussi. On va lui prêter une guitare. Et peut-être que vous l'avez vu au Brame des Arts, c'était au mois de mai dernier, c'est cette exposition. Oui, le 12, samedi 12 pour être précis. En tout cas, c'était une exposition qui permet chaque année, qui est organisée déjà par la mission locale et qui permet, alors, à une majorité de jeunes, mais parfois il y a des plus anciens ou anciennes, de montrer leur talent artistique. Et tout là aussi, hein, il y a vraiment tout type d'art qui sont représentés. Et Lou, pour ceux qui se rappellent, ce qui était original, ce que tu avais proposé, en plus de tes tableaux et tes photos, il y avait une performance. Tu étais la seule, lors de cette édition du Brame des Arts, à proposer une performance. Eh oui. Quelle était-elle? Alors, bah oui, il me semble que tu l'avais pas vue. C'est une performance qui me semble n'existait pas encore, ou du moins j'en ai pas encore entendu parler. Il faut dire peut-être aux auditeurs, du moins non, beaucoup le savent, je suis sportive, un petit peu moins en ce moment, mais je suis sportive, je sors très régulièrement, et forcément je tombe toujours nez à nez avec des déchets. Et j'avais entendu parler du concept « un trail pour un déchet ramassé », et je me suis dit « tiens, je vais ramasser ces déchets, on va voir ce que j'en fais ». Et j'avais un vieux drap qui traînait, j'avais un vieux t-shirt dont j'avais plus l'utilité, je me suis dit « tiens, et si je cousais tous ces déchets sur une robe ?» Enfin, que j'allais faire de ce t-shirt et de ce drap une robe, et que je couse des déchets dessus. Alors j'ai ramassé beaucoup de mégots, beaucoup de papier, beaucoup de paquets de cigarettes. Tiens, les fumeurs sont très visés par cette performance. Des bouteilles, des canettes en tout genre, et j'ai tout cousu et collé sur cette robe. Je m'en étais fait une couronne. C'est un t-shirt, d'ailleurs c'est un t-shirt Sam que j'ai transformé en Zom. La tête contente, elle a beaucoup changé aussi. Et je me suis baladée avec cette robe déchets sur le dos dans les rues de Remiremont. Oui, puisque le Brame des Arts, c'était au centre culturel. Et toi, alors on a compris l'aspect engagé. En tout cas, cette performance avait un sens. Et en plus, tu es allé chercher les gens dans la rue pour les faire venir à cette expo. Oui, parce que malheureusement, le centre Gilbert Zog à Remiremont est beaucoup moins bien situé que là où on était l'année d'avant. C'était à l'actuel marché couvert. Espace du volontaire. Merci. Et voilà, les gens savaient pas qu'il y avait une exposition, et on a eu, je crois, quatre fois moins de visiteurs que cette année. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me promener, je vais attirer l'attention. Et puis à certains, je leur dis, ah, vous savez, il y a une exposition plus loin si vous voulez en savoir plus. Alors je sais pas si ça a rameuté beaucoup de monde, mais en tout cas, bon, je suis allée faire la petite pub, la petite promo. Tous les gens me regardaient bizarrement. Il paraît que les gens pensaient à un enterrement de vie de jeune fille, mais non, c'était une performance artistique. Et puis je me souviens qu'il y avait des photos hein, qui étaient parues, notamment dans l'Écho des Vosges, pour ceux qui se rappellent. Vous l'avez peut-être vu là aussi. Eh ben c'était Lou. Est-ce que Eve, en tout cas Eve et puis toi Greg, hein, si vous avez des questions, je le disais en introduction, et puis Lou, elle connaît aussi la maison, donc elle sait très bien comment ça se passe. N'hésitez pas à vous interpeller comme ça pendant ce temps. Ouais. Moi je m'en irai. Je vous laisserai. est-ce que ça, les performances artistiques, vous, puisqu'on va parler aussi de vos parcours respectifs, hein, avant la formation du duo Sorbet Citron, est-ce que vous êtes intéressé à d'autres arts? Est-ce que justement vous peignez, vous photographiez? Alors la peinture, moi, le dessin, tout ce qui est, ne vaut mieux pas. Ça a toujours été horrible. La sculpture? J'ai jamais essayé, mais. Peut-être, hein, on sait jamais. La cuisine. Mais, la cuisine, ah oui, c'est vrai, merci. Ça, la cuisine, oui. Je sais. Mais c'est vrai que ça peut être considéré comme de l'art, la cuisine. Ouais, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Ah si, c'est un art. Mmh. Donc, bah, voilà. Quand on fait les belles assiettes, ouais. Enfin, après, la cuisine est un art, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et toi? Bah, je dessine pas trop mal. Elle mange des hamburgers. Comment? Tu te cuisines des hamburgers. Mais je dessine pas trop mal. On parle pas de... Non, mais je rebondissais sur la... sur la cuisine. Mais peut-être non, que tu sculptes l'hamburger avec tes dents et après, ça, c'est une magnifique sculpture. On sait pas, hein, c'est ça, peut-être son histoire de hamburger. Non, non, mais il pense qu'à la bouffe, Greg. Donc il peut rester sur le sujet pendant une heure, hein. Alors, Eve, peut-être que si, ensuite, dans l'évolution du duo Sorbet Citron, vous décidez de faire un album avec vos propres compos, ça sera toi qui feras l'illustration de la pochette. Oui, éventuellement. J'aime bien, oui, retoucher des photos. Enfin, oui, oui, j'aime bien, l'art de dessiner, ou enfin. Graphisme, c'est vrai que c'est elle qui fait souvent les. Oui. Sur les réseaux sociaux, elle fait les photos. Pardon, je suis trop loin du micro. Voilà, c'est F qui fait les, qui publie les photos, qui fait un petit peu de graphisme. Vous n'avez pas encore, puisque tout à l'heure vous nous avez, et ça tombait bien, Lou, hein, parce que je le disais, t'as peut-être entendu, de dehors, non? T'écoutais pas dans ta voiture Radio Gamozo? Si, si, donc la surprise, c'était pas vraiment une surprise. Ouais, et, Freddie Mercury, en l'occurrence, pour Queen, avait fait un superbe logo, qui est très travaillé. Est-ce que, toi, Eve, tu pourrais, ou tu as pensé pour l'instant, le duo Sorbet Citron n'a pas de logo? Si, si, en fait, j'ai dessiné, on n'a pas de petite carte, là, sur nous. Mais, si, j'ai écrit Sorbet Citron avec le S, j'ai fait une clé de sol, et puis il y a une guitare intégrée dans, c'est pas vraiment un logo, mais autour de, si, du nom de Sorbet Citron, j'ai un peu apporté des éléments personnels, mais on s'en sert pas. Ça sert juste pour la carte de visite, en fait. Oui. Mais on l'a pas repris dessiné, pour ouais. Des photos. Non, t'as pas une carte. Autre. Non. On peut pas le voir sur la page Facebook du Sorbet Citron, mais. Si, si, on peut. Sorbet Citron. Mais parmi les photos, parmi les. Oh, ça va se retrouver dès le début, ça. Y a pas de souci. Vous tapez Sorbet Citron groupe concert et vous tomberez tout de suite sur la page en question. Ouais. On va reparler, en tout cas, parler de votre parcours respectif, notamment en musique, et puis on verra aussi le parcours de Lou. Eve, toi, t'as commencé la guitare, donc la musique, la première chose, ça a été la guitare? Non, pas du tout. La guitare, c'est ce qui est venu le plus tardivement. Ça s'entend d'ailleurs. Oui, mais je joue avec Greg pour pas perdre. Le peu d'acquis que j'ai, mais je suis pas vraiment guitariste. J'ai fait du piano, quelques années de piano étant enfant. Sinon, le chant, je le pratique entre guillemets depuis que j'ai 4 ans. Et donc, depuis plusieurs années, j'ai fait partie de diverses formations. J'ai fait partie d'un groupe de rock progressif. J'ai fait partie d'une comédie musicale à Strasbourg. J'ai fait un duo piano-voix avec un pianiste, un bon pianiste. Tu peux du dire coin. Son nom. Pardon? Tu peux dire son nom. Éric Lemarquis, je sais pas si, voilà. Éric Lemarquis, un prof de piano de Gérard May. Donc, j'ai toujours chanté, et la guitare, j'ai commencé à en faire à 27 ans. Mais c'était pour m'accompagner au chant, justement, pour pouvoir être autonome, un minimum autonome, au chant. Ça, on le rappelle, hein, à ceux qui s'inquiètent, qui se disent « Oh, maintenant, je suis trop âgé pour apprendre tel instrument. » Ou il est jamais trop tard. D'ailleurs, bon, Greg, toi, c'était pas 27 ans comme Eve, mais finalement, je crois que c'était 14 ans. Ça peut être assez tard pour certains. Oui, c'est assez tard, 14 ans. Mais c'est le bon... Enfin, je pense que le bon âge, c'est à partir de 10, 12 ans, jusqu'à 18, 20 ans, parce qu'après... on a une vie de fou, quoi, mais. Après, et puis, ça on apprend. Et puis, on apprend, c'est vrai qu'on apprend quand même 10 fois moins vite à 30 ans qu'à 15 ans. Et la manière d'apprendre la guitare, alors, est-ce que vous avez appris de manière autodidacte, Eve, Greg, et puis on verra avec Lou aussi? Avec Michel Hans, moi, pendant 3 ans, et puis après, effectivement, un peu par mes moyens, après, un peu tout seul. Et puis Eve. Non, moi j'ai fait quelques années avec Michel Hans, mais j'ai arrêté bien trop tôt. Hein. J'avais d'autres priorités, mais je pratique pas en autodidacte. Et... D'ailleurs, je progresserai pas tellement à la guitare, mais. Et Lou, tu as appris. Alors, je sais que c'est en ce moment. Est-ce que c'était déjà avant ou tu débutes? Oui, on peut dire que je débute. Ça fait très longtemps que j'ai une guitare parce qu'elle appartenait à mon papa. Une très belle guitare d'ailleurs, enfin que j'aime énormément. Cette guitare, je voulais apprendre à en jouer pour impressionner un garçon quand j'étais au lycée. Mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Et la guitare est partie avec moi quand je suis partie de chez mes parents. Et je sais pas, c'est récemment, ça fait 2 semaines, donc c'est tout frais. J'ai ressorti ma guitare du coin où elle traînait dans la poussière. J'ai sorti ma méthode parce que j'ai une méthode pour apprendre la guitare. Je fais toute seule et j'y me remets et ça me fait du bien. Mais voilà, c'est vraiment tout frais. Je m'amuse à toucher la pulpe de mes doigts qui fourmille. Je pense que c'est quelque chose d'assez frais, mais enfin voilà, c'est tout récent. Et ça, c'est un cas de figure qu'on retrouve assez souvent dans les musiciens qui sont passés par là. Déjà, la transmission, c'est-à-dire un instrument qu'on va offrir à son enfant ou des fois familial ou même amical. Ça, ça peut être un début. Et puis aussi le côté séduction. Souvent, on dit les garçons pour séduire les filles. Bah, ça peut être l'inverse. On l'a vu. Bah, Greg, il fait que de la guitare que pour ça. Oui, mais ça a jamais marché. Si, une fois quand même. Et petite parenthèse, pour ceux qui se souviennent, il a même ouvert son magasin de musique exprès à Jérôme. Oui, ça c'était la foule de femmes devant la boutique, c'était dingue. Voilà, en ce qui concerne la guitare, on rappelle, hein, avant que tu arrives, Lou, à propos, donc tu le disais, tu as une méthode, certes, mais il y a l'ancien professeur d'Eve et de Greg, qui s'appelle Michel Hans, qui est de Gérardmer, qui a créé sa méthode à lui pour apprendre plus facilement seul. C'est pour les enfants surtout. Pour les enfants ou autres. Mais c'est le solfège. Hein. Voilà, c'est une méthode d'apprentissage du solfège. Justement. Et en ce qui concerne la voix, on a parlé de l'instrument, d'accord. Toi, Eve, tu l'as dit, tu chantes depuis l'âge de 4 ans. Tu as pris des cours? Non. C'est dégueulasse. Non, parce qu'elle a une super voix, j'ai jamais pris de cours. Oui, mais ce serait quand même bon à prendre, mais je n'ai pas de temps pour ça. Mais non, j'ai pas pris de cours. Est-ce que tu as appris, alors bon, on l'a compris toi-même, mais à savoir quelle était ta tessiture, est-ce que tu penses que tu arrives à la maîtriser ou alors parfois elle reste indomptable? Comment ça se passe avec elle? Non, de l'avis de ceux qui ont pris des cours ou qui ont une bonne technique, j'ai une technique vocale pas mal, mais c'est sûr que c'est perfectible. Moi, au niveau où je suis, j'ai pas besoin, enfin c'est pas que j'ai pas besoin de plus, mais je me donne pas le temps d'approfondir ça parce que, enfin voilà, je le fais en tant qu'amateur et puis quand même du mieux que je peux, hein, mais c'est pas une nécessité de prendre des cours pour le moment. Quelle est ta tonalité? Je ne sais pas, je ne sais plus. On a déjà dû me le dire, mais non. Et du côté du lyrique, est-ce que tu pratiques le chant lyrique? Bah, j'aime bien m'y exercer, mais c'est pour rigoler et c'est sans doute très moche, hein, mais c'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire, oui. J'ai aimé le regard que m'a jeté Lou, parce que ouais, je vais pas te demander, hein, bien entendu, si tu n'en as pas envie, mais ah. Lou, c'est pareil, t'es dans les débuts, hein, tu commences à chanter par toi-même également? Oui, c'est un petit peu compliqué parce que en fait mon rapport à la musique est par contre très ancien, parce que j'ai des musiciens dans ma famille, j'ai fait de la danse classique et même si j'ai beaucoup de mal à lire les notes parce que je m'exerce pas, enfin j'ai essayé le piano et voilà, je me suis découragée, enfin voilà, je me suis beaucoup découragée dans la vie, mais je sais que j'ai une certaine écoute et ça fait aussi très longtemps que je chante. Alors j'ai aussi intégré une chorale pendant 1 an. Quand j'avais à peu près 14 ans, ça se passait très bien. Et puis après, la vie a fait, hein, je suis allée au lycée, puis j'avais plus le temps. Et oui, en fait, c'est par vague, c'est par moment. Après, ça fait très longtemps que je chante du Freddie Mercury à fond la caisse dans ma voiture. et voilà, ça vient aussi avec la guitare. Je m'amuse un petit peu à chanter pour les rares morceaux que je sais jouer. À peine, mais oui, ça me fait du bien aussi. Et après la découverte du chant lyrique, parce que oui, tu l'as dit, ça c'est récent, c'est très récent. À part quand tu as fait partie d'une chorale, et là aussi, ça peut être des premières armes, ça peut être une bonne idée de commencer le chant dans une chorale. À part ça, tu ne prends pas de cours, hein, tout comme Eve? Non, pas du tout. J'ai ce qu'on appelle une couch potato en anglais. Traduction. Ah, une pantouflarde, mais j'ai envie de dire une patate de canapé. Et alors, ce que vous ne savez pas, hein, Greg et Eve, ça tombait bien justement cette interprétation de The Show Must Go On, puisque Lou l'a chanté ce même titre à ta place, Greg, c'était il y a quelques semaines pour une émission spéciale Queen. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. A cappella? Non, c'était sur la bande son. Ah, mais nous, on n'a pas entendu. Morceau. Ah ben faudra, je pense que le podcast est encore disponible sur la page Facebook de Radio Game of Thrones, faut chercher un petit peu hein, en bas de page, ouais. Il y a quelques semaines, vous verrez, spécial Queen, et vous entendrez Lou. D'accord. Et pour le lyrique, elle l'a pas encore fait en direct, je sais pas si elle voudra à un moment ou à un autre, en tout cas n'hésite pas. Moi je l'ai entendu, je peux dire que ça vaut le coup d'oreille. En tout cas c'est les, bah, comme tu le disais, hein, c'est les débuts, puis surtout la difficulté, je présume, de découvrir soi-même sa voix. Et c'est peut-être là aussi que, à ce moment-là, qu'il faut essayer d'aller voir quelqu'un, parce que là, sur Internet ou autre, là, des méthodes pour chanter, notamment dans le lyrique, je pense pas que ça soit. Alors, voilà. J'avais trouvé des vidéos, mais je me suis pas amusée à les regarder parce que YouTube, c'est une spirale. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans mes émissions. Mais c'est surtout déjà, c'est difficile de s'entendre chanter. Après, oui, de savoir quelle est sa tessiture, quelle est sa voix. Quelles sont ses limites aussi. Après, bon, je me rends compte quand je chante du Queen. Et aussi, après, ça, c'est quelque chose, je sais pas si c'est propre à toi, Eve, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'entendre chanter. Parfois, je m'enregistre juste pour savoir ce qu'il en est. Et je me dis, mais c'est de la merde, quoi. Alors que, je sais pas, d'autres personnes m'entendent chanter, disent non, ça va, c'est joli. Ils sont gentils. On est peut-être, oui, peut-être qu'ils sont gentils parce qu'ils ont peur. Des représailles, mais je pense aussi qu'il y a une certaine part, alors je sais pas si c'est propre aux artistes ou juste à l'humain, on est aussi très très dur avec soi-même. Ça c'est assez récurrent, le fait de pas reconnaître ou de pas apprécier sa voix quand on l'écoute de façon extérieure, c'est mon cas aussi encore aujourd'hui. Ça dépend des morceaux. Ouais, mais... je crois que tous les chanteurs, c'est difficile de s'entendre. Mais ça nous apprend beaucoup. Puis à la radio, n'en parlons pas. Ah oui. Terrible. Ça va être... Terrible. Ça doit être spécial. Eve, dans tes premières expériences musicales, tu parlais de différents groupes. Oui. Est-ce qu'il y avait des compositions à vous ? Non, toujours pas. Moi, quand j'avais 18 ans, que je pianotais un petit peu, j'ai écrit quelques textes, des chansons d'amour, mais qui sont... qui n'ont absolument aucune importance pour moi aujourd'hui. Voilà, c'était des... Mais c'est tout. Non, moi, j'ai jamais eu le loisir de chanter des compositions. Non. Ah bah mince, moi qui croyais que vous alliez entendre, vous qui écoutez Radio Game of Thrones, Eve, pour un titre solo, puisque ça sera le cas de Greg tout à l'heure, bah non, pas ah de non, titre pas solo. Moi, non. Si on avait une idée, c'était quoi ? À mon égard, quoi ? Oui. je l'ai plus. Ah. À mon égard, c'était quoi ? C'était à mon égard, mais je sais plus ce qu'il y avait. On y travaillera quand ce sera le moment. Et si on est inspiré, on prend en note et tout ça. Mais pour l'instant, en duo, non. Mais Greg, oui, Greg. Peut-être que quand j'aurai fini mon EP là, qui sera sorti, tout ça, j'aurai peut-être envie de un peu plus de temps pour m'y essayer. Le parcours musical discographique de Grégory Paradisi a débuté, je le disais tout à l'heure, il y a 10 ans pile poil. J'ai envie de dire dans le studio de Radio Game of Thrones, j'exagère un peu, j'avoue. Tu peux le dire. Mais en tout cas, ça s'appelait Mon Petit Monde, cet EP. Et tu ne joues plus les titres de cet album, cet EP. Oh, allez, Non, j'ai fait l'autre fois. J'ai laissé passer les filles, bon, ça va. Ça y est, elles sont passées depuis. Ah, elles sont passées. Donc... Elles sont pas restées, elles sont toutes passées. Il a fallu attendre un petit peu de temps, hein, puisque c'était 6 ans plus tard qu'a vu le jour ton premier album, Le Parfum des Souvenirs. Tout à fait. Ça, c'est un album qui est encore disponible, qu'on peut se procurer, et notamment sur le site internet de Grégory Paradisi. Hein, c'est ça qui est pratique. En plus, c'est pratique avec le nom. Autant Duo Sorbet Citron, ça peut être embêtant, parce que, comme tu disais, Eve, on tombe sur des recettes de glace, et puis en attendant de trouver le bon site, ah ben, on grossit, et finalement, on va pas jusqu'au bout de la recherche. Et donc, toi, Greg, Grégory, vous saurez l'écrire, Paradisi, comme le paradis, avec un i en plus. C'est ça. C'est ce que je dis toujours. Et il y a ce site qui est bien foutu, hein, je trouve. Il y a tout ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire les dates de concert, on les évoquera, puisqu'il y en a pas mal, là aussi. Et puis l'actualité, on peut suivre ta démarche actuelle de nouvel album, l'enregistrement, etc., le visuel. Quelques vidéos, quelques photos, tout nu, pas tout nu. Et, je le disais, acheter cet album, Le Parfum des Souvenirs. Il m'en reste 70 à vendre. Alors, mon petit monde, le pays, c'est plus possible, il n'y en a plus. Si. Ah si, parce qu'il n'est pas... il est pas. Mais il est invendable, c'est là, il est plus... il faut le, il faut que, si, il faut qu'il paye la... les gens pour le prendre. Ouais, non, il prendra peut-être de la valeur quand je serai super célèbre, mais là, pour l'instant, il m'en reste, au moins 150 ou 200 dessus. Alors, je suis content parce que maintenant que Lou est ici, je peux poser la question rituelle que j'ai pas voulu vous poser parce que dans ma présentation, c'était grillé, on savait que vous vous connaissiez, c'était plus la peine. Lou, est-ce que tu connais, que ça soit Duo Sorbet Citron, ou que ça soit Eve seule, ou Grégory Paradisi seule? C'est une question piège, hein. Non, j'aimerais que tu dises non. Parce que j'ai vu la tête à Greg, malheureusement, non. Ah ben ça tombe bien. Au revoir, Mika. Ouais, Greg, salut. Si jamais tu devais te présenter musicalement avec une chanson de cet album, Le Parfum des Souvenirs, que ça soit à Lou, qui est justement juste devant toi, ou alors à ceux qui écoutent, quelle serait cette chanson de présentation? Le Parfum des Souvenirs. Ah ben tu t'embêtes pas, le nom de l'album, le titre de la chanson... Bah ouais. Carrément. Ouais. Tu peux la jouer ici? Ouais, si. Même. Je m'en souviens encore. C'est à croire que le temps n'efface rien. Peut-être le décor, mais pas les comédiens. De ce film où je caressais ton corps. Je m'en souviens encore. Je t'ai connu au petit jour. J'ai retrouvé le livre du récit de notre amour. Les pages sont ternies mais révèlent des trésors. Je ferme les yeux et me laisse envahir par un air délicieux, le parfum. Le parfum des souvenirs. Le sud et ses douceurs. Le parfum des souvenirs. Les effluves de fleurs. Celles que tu accrochais à tes cheveux dorés. Troublantes néréides nues. Dans l'écume des vagues de la Méditerranée. Je nous revois encore à faire les fous comme tes gamins. J'ai dans un de mes tiroirs le chapeau du magicien que l'on applaudissait sur les quais du vieux port. J'aimerais tant savoir si tu y penses encore. Comme moi quand tu fermes tes jolis yeux, tu te laisses envahir par un air délicieux. Par un air délicieux. Le parfum des souvenirs. Le goût de tes baisers. Le parfum des souvenirs. Ta peau sucrée salée. Le présent me rappelle et m'extirpe des songes. La troublante Néréide disparaît sous l'écume des vagues de la Méditerranée. De la Méditerranée. Bravo Greg. Merci. Merci Grégory Paradisi. Et si vous avez envie d'entendre à nouveau cette chanson, certes, Il y aura le podcast sur le site de Radio Gamozo, radiogamozo.eu, ou la page Facebook, mais je vous recommande fortement le CD, l'album qui porte le même nom, et que vous pouvez acheter via le site gregoryparadisi.wordpress.com, mais comme on le disait, hein, vous tapez les prénoms et noms de ce jeune homme, et vous tomberez tout de suite sur le site en question, et puis il y a la page FB aussi, qui est disponible. Sur la page, on peut pas acheter l'album, par contre. Non. Mais on peut me contacter pour et me oui, dire, puisque j'ai envie d'acheter ton album, et hop, je peux l'envoyer. Tout comme le groupe Sorbet Citron, enfin le duo, on peut, par ce biais, te contacter, te faire jouer, puisque, je le disais tout à l'heure, hein, toi, ta spécificité, bon, t'as joué dans des lieux, des salles, etc. D'ailleurs, je me souviens du Tolly, il y a encore des photos sur ton exact. Site. Plutôt sympathique les photos et le concert aussi, j'imagine, puisque c'était comme à la maison. Hein. Le décor était là, t'avais emmené le canapé, la lampe. J'avais emmené le salon. Ouais, ouais c'est ça. Ça ouais. C'est ce côté convivial aussi. Tout comme pour Sorbet Citron, c'est pareil. Toi, c'est ta marque de fabrique, hein, le côté sympa, la cool, tous ensemble, en famille. Bah intimiste quoi, forcément quand je chante tout seul, guitare chant, c'est plutôt intimiste, donc autant continuer à être dans ce truc là quoi. Et donc à part les endroits habituels de concert, ben il y a les rendez-vous habituels pour toi, c'est bar, hôtel, restaurant, surtout hôtel, restaurant, ouais, et il y a ceux, et quand je dis habituel, c'est-à-dire qu'on te retrouve dans les mêmes lieux, c'est-à-dire, tu as maintenant un contrat avec les propriétaires, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais attention, parce qu'il y a la concurrence, il y a Sorbet Citron qui me concurrence, là. Non, mais c'est-à-dire que les endroits où je chantais seul, maintenant on me dit, tu veux pas venir avec ta collègue? Donc il y a pas mal de plans de lieux où je chantais seul où maintenant on joue en duo en fait. Les lieux où vous pouvez retrouver Grégory Paradisi et maintenant alors certainement avec Eve aussi et Sorbet Citron, il y a le chalet au bord du lac à Charmé. Bon ça c'est des soirées privées. On n'a pas le droit de venir. Non. C'est comme les concerts en appart qu'on évoquait tout à l'heure. Sauf pour le 31 décembre, j'y suis le 31. Ah. c'est pas privé. Alors, le 31 au chalet du bord du lac de Gérardmer, ça sera pour passer la nouvelle année. Bah, je crois bien, oui. Ouais, avec toi, Greg. Alors là, ça sera en solo, hein. Il y aura pas Eve. Et puis on peut réserver, forcément le repas, la soirée. Du chalet au bord du lac. Ouais. Dans les autres endroits où on peut te retrouver. Alors il y a les endroits réguliers, il y a la Grange Aubriot à la BAF, ce nouveau restaurant dirigé par Claudio Aubriot, l'ancien chef des Ducs de Lorraine. T'as vu comment je parle bien, Eve, quand je parle de ton projet. De bouffe en fait, comme tu dis. Dès que ça parle resto, ça y est. C'est pour ça, oui, c'est pas anodin que tu aies choisi ces lieux de concert. C'est ça. Il y a le Grand Hôtel de Plombières régulièrement aussi. L'hôtellerie La Chenaudière à Colroy-la-Roche en Alsace, l'Arpège à Colmar pas mal de fois aussi, et le Collet un peu moins, mais peut-être cet hiver, mais ce sera en duo avec Sorbet Citron, l'hôtel Le Collet à La Chlourte. Dans les prochaines dates où on pourra te retrouver, alors on disait hein, au chalet au bord du lac, ça sera ce soir par exemple, mais c'est privé. Ouais. Il y avait déjà eu les samedis précédents, hein, tu jouais tous les samedis ces derniers temps. Par contre, le prochain ouvert au tout public, j'ai envie de dire, c'est samedi prochain, le 22 à Plombières, décembre, au Grand Hôtel. Grand Hôtel de Plombières. Ouais, c'est un endroit où je vais régulièrement. Alors, comment tu en es venu à jouer dans ces lieux-là? T'as été contacté? Est-ce que c'est maintenant toi qui fais les démarches? C'est vrai que je me demande toujours comment ça a un peu commencé, tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est vrai que quand j'avais le magasin de musique d'instruments, quand je tenais le magasin, je me suis créé pas mal de contacts. Mon père était aussi chef au Baru pendant 25 ans, donc j'avais des connaissances dans le milieu de l'hôtellerie, quoi. Ce qui m'a pas mal aidé. Et puis après, le bouche à oreille, quoi. Hein. Et ça, c'est vrai que je l'avais déjà dit il y a quelques mois quand tu étais venu, mais c'est vrai que là aussi, ça peut peut-être aider d'autres artistes qui écoutent. C'est vrai que souvent... alors, vous êtes intermittents tous les deux ? Pas moi, non. Non, moi, que moi, ouais, moi. Eve, tu travailles à côté ? Oui, oui. Tu veux nous dire quel métier ? Je travaille dans l'éducation nationale, du coup j'ai beaucoup de temps libre. C'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, Greg, donc ça fait toi, je crois, 8 ans hein, que tu es intermittent. En 3 ans, j'étais en auto-entreprise avant, puis là je suis intermittent depuis 3 ans, ouais. Le statut. Il y a cette, j'ai envie de dire, obligation, parce que là aussi il faut bien manger, de trouver des dates. Donc ça a été cette possibilité de trouver des endroits. Habituel, je le disais, ces hôtels, restaurants, c'était toi, c'était ta façon justement de continuer de percer là-dedans. Bah, c'est vrai que j'ai un répertoire qui est assez comment on dirait piano bar ou enfin cool quoi. C'est pas très rock'n'roll mon répertoire. Variété française. Ouais, ouais, c'est la chanson française. Du coup, ça s'adapte super bien, quoi, pour les ambiances hôtel, resto. Puis je fais des choses un peu plus rock'n'roll aussi, quoi, hein, pour quand je joue dans des bars. Mais c'est vrai que la grosse partie de mon répertoire, c'est chanson française, qui passe toujours super bien dans les restos, quoi. C'est vrai que c'est pour ça que ce créneau, voilà, je joue beaucoup. Dans les hôtels-restos. Voilà, c'est une possibilité, hein, vous qui êtes artiste. Peut-être qu'on n'y pense pas tout de suite, on se dit, oui, il faut à tout prix une salle, parfois un bar, mais on pense pas forcément aux hôtels-restaurants. Bah, c'est la continuité. Okay. Et ils sont demandeurs, hein, j'ai l'impression, ces établissements, de plus en plus. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors les gens, souvent, dans la soirée, ils n'applaudissent pas, quoi, mais à la fin de la soirée, ils viennent vous dire, ah, c'était super bien. Enfin, ils... C'est pas des endroits où on applaudit, quoi. On écoute forcément d'une oreille attentive, mais la plupart des gens apprécient. Est-ce que ce n'est pas troublant quand on joue, quand parfois on met ses tripes dans la chanson et qu'on entend les bruits de fourchette? Bon, je joue toujours dans des restos assez cosy, voilà. Donc, c'est pas bruyant, quoi. C'est rarement très bruyant là où je joue, donc c'est vrai. C'est toujours agréable, quoi. Pour le duo Sorbet Citron, j'ai envie de dire, Greg, c'est le côté variété française, et toi, Eve, c'est variété internationale. Pour Sorbet Citron uniquement ? Oui, c'est plus, parce que... moi, c'est plus le côté guitare. Voilà. Voilà. C'est plus comme ça que ça se passe, plutôt que ce que j'ai dit, international ou français, c'est plus guitare, Greg, voix, Eve. Voilà, pour le duo, c'est comme ça. Comme au niveau guitare, elle a un petit niveau, elle avait besoin d'un guitariste. Et puis, à l'inverse, moi, je chante très peu, et c'est elle qui chante. Ils chantent pas en anglais. Donc, c'est mon répertoire, et c'est essentiellement moi qui chante, et donc, Greg, m'accompagne vraiment au mieux à la guitare. Quoi. Quand on est à deux guitares comme vous, généralement il y a le guitariste ou la guitariste mélodique et puis celle ou celui qui fait la guitare rythmique, c'est ça, Eve ? Tu fais plutôt une... On est complémentaires, oui. Eve, elle fait plutôt des petits arpèges comme ça. Ou des pompes. Et puis moi, je sais plus... Ça y est, c'est énervé, Greg. Voilà. Alors, c'est une émission grand public. Vous avez cité des termes. Il va falloir. Tu l'as défini déjà, arpège, puisque tu as montré ce que c'était. Mais comment tu pourrais le décrire ? Ah oui, un arpège, c'est un jeu au doigt, quoi, note à note, quoi. Voilà. Et puis moi, je fais des trucs plus rythmiques, quoi. Eve, elle parlait de pompe. Oui, alors ma guitare est plus très accordée, mais Greg va les faire. Bah attendez, je vais en faire des pompes. C'est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sent façon. Ça, c'est les pompes. Ah oui, mais alors, c'est quoi exactement? Eh ben, c'est ce que vous avez entendu, là. là, c'est un jeu à... Le pouce fait les basses et l'index majeur annulaire tire les 3 dernières cordes, en gros. Nous allons passer de la guitare, ça c'était pour les définitions, au piano, puisque tu disais, Eve, toi tu as commencé par le piano. Oui. Lou disait aussi qu'elle s'y était mise et puis finalement elle a abandonné. Toi, qu'en est-il, Ève? Est-ce que tu as persévéré? Non, non, ça fait longtemps que je fais plus pareil, de piano. Tu t'es dit stop. Alors, qu'est-ce qui est, parce que ça aussi, je l'entends souvent, hein. Le piano, ok, ça, sympa. Puis finalement, oh non, qu'est-ce qui est si compliqué avec le piano? Qu'est-ce qui fait qu'on arrête, en tout cas vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté, les filles? Non, moi, c'était l'âge. Enfin, on m'a inscrite au piano. Peut-être que j'en avais pas envie au départ. J'étais enfant. Puis j'ai arrêté à l'adolescence. J'arrivais en cours avec les ongles très longs. Enfin, c'est juste parce que c'était pas la bonne période. C'était l'âge bête. On peut pas jouer du piano avec les ongles longs. Ça va pas. Par contre, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage de la guitare. Quand on a fait quelques années de piano, même si il m'en reste plus grand chose aujourd'hui, c'est une aide considérable pour appréhender un quelconque autre instrument par après, je pense. Et d'après ce que tu nous disais précédemment, toi, ton premier instrument, c'est ta voix, et c'est finalement les instruments, c'était pour accompagner le piano aussi, c'était pour accompagner. Non, non, le piano, non, pas du tout. Je faisais du piano classique. En plus, c'était pas du tout de l'accompagnement de chansons. Non, la guitare, oui, par contre. Lou, alors le piano qui t'a mis KO. c'est encore une longue histoire, hein. C'est toujours une longue histoire avec moi. encore une fois, il y avait un piano chez mes parents depuis très longtemps. D'ailleurs, il est toujours là. Et le piano, je m'en foutais un peu. Je voulais apprendre de la guitare et je suis allée passer 2 mois en Allemagne. Et une des enfants chez qui je vivais avait des cours de piano. Et ils en ont profité pour me payer aussi des leçons de piano. Comme ça, je pouvais apprendre à lire les notes. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un gros bisou s'il m'écoute. Mindaugas Piečaitis. Il est lituanien, je crois. Lui qui a réussi à m'apprendre en 30 minutes ce que ma prof de musique de collège a mis 4 ans à essayer de m'apprendre et n'a jamais, jamais, jamais réussi. Et donc, j'avais commencé. Je faisais du piano... en Allemagne, et quand je suis rentrée, je voulais m'y mettre, j'avais vraiment vraiment envie de m'y mettre, mais j'avais une méthode et un métronome, et je savais pas me servir du métronome, et j'ai un gros problème de rythme quand je joue, ça je sais que c'est... Et en fait, c'est le fait que j'ai pas su apprendre à maîtriser ce fichu métronome qui m'a bloquée. Mais faut aller jouer sans métronome. Disons quand tu sais pas gérer les rythmes, ça aide pas. Enfin, du moins j'ai l'impression, c'est bizarre quand il s'agit de danse, par exemple. Enfin, Mika le sait, oui, les auditeurs le savent pas forcément. J'ai aussi fait 10 ans de danse classique. Normalement, d'un point de vue technique, j'ai pas trop de problèmes. Et maintenant, quand je joue, si je sais comment est le morceau, enfin, pour les 2-3 petits trucs que je sais jouer vite fait, mal fait. Mais c'est vrai que on a tendance, ou du moins, j'avais peut-être tendance à ce moment-là à m'exciter un petit peu avec le rythme. Et ça m'a bloqué. Et j'ai arrêté. Tu parlais d'Allemagne parce que tu as suivi tes études là-bas, en Allemagne. Alors, oui et non. J'ai fait mon collège en Allemagne, mais après, je suis allée faire mon lycée en France. Et j'ai fait un échange de 2 mois du côté de Karlsruhe. Et c'est dommage, je suis plus en contact avec la famille avec qui, enfin chez qui j'ai vécu, mais on avait des liens très très proches à cette époque-là. En tout cas, c'est bien de citer les noms des profs. Toi, tout à l'heure, tu l'avais fait pour ton prof de piano. Greg, t'avais dit le citer. Oui. Donc, c'est bien aussi que Lou le fasse parce que, mine de rien, ça peut donner des idées. Puis les auditeurs qui suivent l'émission peuvent aussi rechercher parce que ces personnes-là, j'imagine qu'elles sont également trouvables sur Internet. D'ailleurs, j'ai une info que aucun d'entre vous ne sait, j'en suis sûre. Ce Mindaugas Piečaitis, il est très connu en Lituanie. D'ailleurs, je crois qu'il est remonté là-bas, il vit plus à Karlsruhe, parce que il fait des concerts avec un chat. Il connaît un chat qui joue du piano, ce n'est pas une blague. Tapez sur YouTube Cacerto, vous allez voir, ce chat sait jouer au piano, il a une sensibilité, c'est un truc de fou. Ah oui. Oui, parce que là, je disais, c'est bien, on peut taper sur, dans son moteur de recherche, mais alors là, avec un nom comme le lituanien, là, vas-y trouver comment ça s'écrit. Comme ça se prononce. Il faut répéter plusieurs fois son nom, alors. Ouais, alors, mais de toute façon, tu dis juste Cacerto. Oui, Cacerto. Donc, comme concerto, mais avec 4 au début. Cacerto. Ah oui, Q-A. Non, K-A-T. Enfin, C-A-T, pardon. Cacerto. Ok. Quand tu disais que ta famille, beaucoup de membres de ta famille étaient musiciens, tu peux nous le donner son encore. Oui, et tu peux nous donner des exemples. Eh bien, en particulier ma grand-mère qui était flûtiste traversière. Elle est, en plus, elle est du coin. Enfin, du coin, elle est de Besançon, comme elle le disait si bien. Elle a trouvé un poste à Saint-Brieuc. Elle était vraiment professionnelle, faisait des concerts. Dans un ensemble? Je sais plus. Il me semble pas, non. Mais elle donnait aussi des cours au conservatoire. Sinon, il y a ma maman qui a fait beaucoup de piano, qui a fait le conservatoire aussi, qui a aussi une merveilleuse voix d'opéra, un truc de fou. Il y a ma tante qui est violoniste, mon oncle qui maintenant ne joue plus mais faisait du violoncelle, le mari de ma tante qui lui est pianiste, et mon grand-père qui est toujours en vie. Lui, il était chef de chœur et il est d'ailleurs même passé sur une grande télé dans les années... Elle avait quel âge, maman ? Dans les années 70, je crois, il est passé sur une grande télé pour un concours national de choristes enfants. Je parlais de transmission tout à l'heure des instruments, hein, puis aussi du savoir musical. En tout cas, vous, Ève et Greg, est-ce que vous avez tout comme Lou une famille de musiciens ? Est-ce que ça a pu vous donner... Mon père avait une batterie de cuisine, des pianos. Des pianos. Ah bah oui, tu disais tout à l'heure, cuisinier. Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment un copain en classe qui... Un camarade qui était à mes côtés là, en classe, il faisait un peu de guitare et je voulais faire vraiment comme lui, quoi. Et mes parents ont eu la bonne idée de me faire prendre des cours au lieu de l'apprendre tout seul. Tout seul, ça n'aurait jamais fait, je pense. Voilà, j'ai pris des cours et tant mieux. Ève? Non, moi, je suis pas issue d'une famille de musiciens. Par contre, mes enfants suivront peut-être un peu mon parcours parce que leur père joue aussi de la guitare. Enfin, il y a plein d'instruments à la maison. Il y a un piano, il y a plein de guitares, il y a des tchalangos, il y a vraiment plein d'instruments. Et donc, mon fils avait commencé la guitare donc avec Michel Hans là il y a quelques temps, mais il a 7 ans c'est pas sa volonté première, donc on reverra peut-être plus tard. Mais je pense que mes enfants joueront et chanteront. Enfin, c'est même sûr, ils chantent déjà de toute façon. Oh, je sais, tu nous écoutes et tu es en train de faire des mots croisés, par exemple, et tu te dis, qu'est-ce qu'un chalango? Eve va te répondre tout de suite. Un chalango, ça ressemble à un ukulélé, c'est une petite guitare qui vient de je sais pas quel pays. Ça ressemble à un ukulélé. Moi-même, je sais pas tellement Amérique du Sud, non, d'où ça vient, mais... Alors, là, on vient d'évoquer un peu la famille, tu parlais de tes enfants... Ça tombe bien puisque Grégory Paradisi, en solo sur l'album Le Parfum des Souvenirs, il y a un morceau qui s'appelle et qui ouvre l'album Quand j'étais petit. Mmh, tout à fait. Est-ce qu'on écoute version album ou est-ce que tu nous le joues en direct? Ça dépend si t'as envie d'aller aux toilettes ou pas. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué, mais j'aime bien le risque, je vais essayer. Aha. Ça va être chaud quand même. Bon, si au bout de 10 secondes ça va pas, tu passes le disque. Hein. Je vivais de grandes aventures. Trois fois rien dans un bon vieux sac à dos. Et des kilomètres à vélo. Des balades au milieu de la nature. Une partie de pêche, un lac, un ruisseau. Les pieds dans l'eau, je vois le monde à travers mes yeux de gamin. Je vis jour après jour sans me soucier de demain. Y a pas vraiment de choses qui me tracassent. Avec mes camarades en classe, on guette le temps qui passe. Le temps qui passe, c'était bien quand j'étais petit. Quand j'étais petit, la la la la, c'était bien quand j'étais petit, la la la la, quand j'étais petit, la la la la. Les vacances au bord de la mer, un château de sable, j'ai des trous, et des... Les filles de l'été, quelle affaire! Leur offrir des cornets de glace à gogo pour esquiver les râteaux. Je rigole de tout, je rigole pour rien. Je chante à toute heure à tue-tête, j'épuise mes parents, mes voisins. Dans notre nouveau monospace, côté passager, j'ai la classe, que du bon temps qui passe, du bon temps qui passe. C'était bien quand j'étais petit, la la la la, quand j'étais petit, la la la la. C'était bien quand j'étais petit, la la la la, quand j'étais petit, la. En grandissant sans apercevoir, puis un jour un peu par hasard, on retrouve cette belle poésie signée d'une encre rose au parfum de vanille. C'était bien quand j'étais petit. La la la la, la la la la. C'était bien quand j'étais petit, la la la la, la la la la la. C'était bien quand j'étais petit, la la la, la la la la la la. Quand j'étais petit, la la la la, la la la la la. Merci Grégory Paradisi. Merci. Parfum de nostalgie, parfum de souvenir du nom de l'album. C'est ça, c'était vraiment, cet album était vraiment axé là-dessus. Et il y avait un joli clip pour ce morceau quand j'étais petit. Tout à fait. Toujours visible sur la page, oui, YouTube de Grégory Paradisi. Tout à fait. Il est toujours 1700 vues quand même déjà. Et il était tout mignon. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était notamment ce que tu dis en fin de chanson et qu'on voit dans le clip, hein, dans la lettre avec l'encre rose au parfum de vanille. Oui. Et c'était quoi la question, pardon? Ah bah, c'est pas une question, c'est juste une remarque et puis qui met aussi l'accent sur le côté romantique. Ouais, j'ai réfléchi longtemps si ça existait, ces encres qui sentaient quelque chose, mais oui, je crois que oui, donc. Je peux te dire que oui, parce que j'en avais toute une collection, je m'étais amusée à avoir plein d'encres de couleurs, ah bah plein de stylos plumes de couleurs. Merci, et d'odeurs. Je me sens mieux, je me suis dit. Donc ça, c'est les ingrédients, Greg, hein, pour toi, ouais, en solo. C'est-à-dire, ben, je parlais de nostalgie, de mélancolie et de, ouais, romantisme. Oui, je suis un homme romantique. Et la famille aussi, hein, puisqu'il est beaucoup question de famille dans cet album de, ouais, parfum des souvenirs. Les gamins, ouais. Ouais, il y a une chanson qui s'appelle Petit Bonhomme, que j'ai écrite sur mon fils. Enfin, ouais. Et puis, quand j'étais petit. Et ouais. Vous avez certainement remarqué le lien qu'il y a entre Greg en solo et avec Eve pour le duo Sorbet Citron, puisqu'il a encore réussi à placer une boule de glace dans cette chanson. Vous avez remarqué, oui, quand, vrai, il dit offrir aux filles des cornets de glace à gogo pour esquiver les râteaux. Comme quoi. La glace, le fil rouge de ta vie. Oui, je vais continuer. Hein. On va parler bien évidemment de cet album qui se profile en début d'année prochaine, au mois de mars. Eve, est-ce que, alors tu nous l'as dit, ok, divers groupes, etc. Maintenant, avec Greg, ce duo Sorbet Citron, est-ce qu'il y a d'autres projets en parallèle pour toi actuellement? Oui, je viens d'intégrer un groupe de rock, donc grosse formation, enfin deux guitares, une basse, une batterie, avec un répertoire qui n'a rien à voir. J'avais encore jamais testé ce style musical, donc c'est du rock, c'est du AC/DC, du Police, du Led Zeppelin, enfin. Et donc, ben, on est en pleine répétition ces temps-ci. On aura nos premières dates l'année prochaine, en début d'année prochaine. Comment s'appelle ce groupe? Est-ce qu'on, oui, peut déjà vous suivre sur Internet? Oui, bien sûr. Donc c'est le groupe Last Time. Last Time, qui est déjà un petit peu connu dans le coin. Ils sont du côté de Saint-Dié. Et donc il y a une page Facebook. Un groupe qui existe depuis combien de temps? De Last Time. Ouais. C'est un groupe qui existe depuis 5 ans à peu près. Et tu les as rejoints? Je les ai rejoints à la fin de les, enfin à la rentrée, la précédente, enfin la chanteuse qui était avec eux avant ayant quitté le groupe, voilà, j'ai participé à une audition. Je les connaissais, hein, parce que j'étais allée les voir plusieurs fois en concert. Et donc voilà, ça a matché. Et donc j'ai une autre formation qui me prend pas mal de temps. Et je suis super jaloux. Et pour l'instant, tu n'as pas encore eu de date avec non. Enfin, il y en a qui sont prévus, mais on n'a pas commencé. Alors j'ai remarqué hein, comment ça se passe avec Eve, c'est-à-dire qu'elle va voir un artiste comme Greg ou un groupe comme Last Time en concert, et après elle arrive à intégrer la formation. je saisis toutes les opportunités qui se... Ce qui s'appelle être opportuniste. Voilà, et du coup je n'ai jamais arrêté de chanter, de... Non, donc voilà, j'ai bien fait. Tout comme Greg, t'as trouvé justement, parce qu'on le dit, ce sont des métiers difficiles, même si toi tu le disais, tu ne fais pas que ça, tu travailles dans l'éducation nationale à côté. D'ailleurs, je voudrais rectifier, parce que j'ai dit, je travaille dans l'éducation nationale, je dispose de beaucoup de temps libre, je précise que je suis pas prof, j'accompagne des élèves en classe, j'ai pas tout le travail qu'ils peuvent eux avoir après. Tu t'attrapes bien là. Non mais oui, je veux pas être médisante sur les gens qui travaillent dans l'éducation nationale, pas du tout. Est-ce qu'à terme, tu penses, tout comme Greg, devenir intermittent ou pas? Non, je pense que je pourrais, parce qu'il faut donc faire 43 dates par an. Mais ça reste pour moi un plaisir, un loisir. J'ai pas envie de me mettre de pression par rapport à ça. J'ai pas envie de démarcher, de courir après les cachets et tout ça. Donc non, c'est pas pour, j'ai pas pour objectif d'en vivre, pas du tout, non. Puis comme tu dis, naturellement, ça fonctionne bien comme ça. Tu trouves à chaque fois oui, c'est vrai. De nouveaux projets. Mm. Et pour Last Time, tu es uniquement chanteuse ou tu joues aussi de la guitare? Non, là, je suis vraiment uniquement chanteuse. Et puis en plus, pour ce genre de répertoire, il faut... Oui, non, mais il faut... Et en plus, il faut envoyer, donc je vais pas me perdre en jouant en même temps. Toujours dans l'idée de peut-être aider ceux qui nous écoutent et qui se cherchent, que ça soit musicalement, artistiquement, qui ont envie d'essayer dans ces domaines. Greg... Toi, tu conseilles, déjà, Eve a donné un élément, donc une quarantaine de dates, 43, je crois. Oui, pour l'instant, c'est comme ça, mais c'est ça, toujours... Ça, c'est obligatoire pour bénéficier du statut d'intermittent? Oui, 43 dates. Les passages radio aussi, il y a pas aussi ça? Non, il y a éventuellement des heures de... On peut être aussi prof dans... d'un instrument, mais faut que ce soit dans une, ça compte pour l'intermittence, mais faut que ce soit dans des écoles publiques bien précises. Figurant aussi. Ouais, figurant, je fais aussi de la figuration dans le cinéma. Ah bah, il y a beaucoup de films maintenant qui ouais. viennent dans le coin, c'est ça qui est bien. Là, j'ai fait 3 films en 2 ans là sur Gérard May, donc une journée de figuration, c'est un cachet. Et en plus, c'est super sympa, quoi. Et ça compte, comme tu dis, pour ce statut d'intermittent? Ouais. Bah oui, en tant que comédien. Ouais. Quelles sont les démarches, alors, pour ceux qui ont envie de s'inscrire? Que doivent-ils faire comme intermittent? Alors, c'est très compliqué. Te souviens-tu? Non, mais... C'était il y a quelques années. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Déjà, faut vraiment avoir le mieux, pour que ce soit simple, c'est d'avoir aucun boulot à côté, quoi. Vraiment, être vraiment disponible. Ouais, non, mais parce que après, si on commence à avoir un truc à côté, tout ça, si on commence à avoir des revenus à côté, c'est compliqué. Oulala. Donc ça marche aussi, mais attention. Donc voilà, faut être totalement disponible, faut s'inscrire à Pôle Emploi, et puis Pôle Emploi spectacle ou le Pôle Emploi Pôle Emploi de la ville où vous résidez, hein. Parce qu'il y a un Pôle Emploi spectacle aussi, mais là ouais. On peut Pôle Emploi Miremont par exemple. Voilà, parce que Pôle Emploi spectacle maintenant il y en a plus. Avant c'était par région ou par même plusieurs. Maintenant c'est en Savoie et c'est tout. Pôle Emploi spectacle c'est à la Savoie et voilà. Et non, Pôle Emploi à côté de chez vous et puis vous commencez à faire vos cachets, quoi, hein. Donc bon, c'est de la petite cuisine, mais faut passer pour les cachets par un organisme qui s'appelle le GUSO. C'est un peu comme l'URSSAF, quoi, hein. Donc et après si vous avez fait vos 43 dates, ben vous montez un dossier et puis Pôle Emploi examine si vous pouvez si vous avez vos 43 dates à l'année et si vous pouvez prétendre au statut d'intermittent, c'est-à-dire à de la location, chômage. Pour compléter les dates, pour compléter le salaire des dates que vous faites. Et ce n'est pas un acquis, j'imagine. C'est-à-dire que donc chaque année, il faut justifier de ces 43 dates. Voilà. Sinon, on n'a plus le statut. Voilà, il faut. C'est sans arrêt. C'est l'inconvénient de ce système qui est, moi, je trouve plutôt avantageux, très intéressant. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut sans arrêt trouver du boulot, quoi. Voilà. C'est jamais acquis, c'est tous les ans. Et toi, t'as trouvé, on le disait tout à l'heure, c'est plutôt pas mal ce que t'as trouvé. Je voyais dans notamment les restaurants et hôtels, et puis ceux qui font appel à toi couramment. Donc ça, c'est un bon plan. Bah pour moi, oui. Et puis pas que pour toi, j'imagine moi, que pour les lieux qui t'accueillent aussi, ils sont contents de connaître maintenant, savoir comment tu fonctionnes et d'être satisfait. Ouais. Mais moi, je dis toujours que j'ai énormément de chance parce qu'il y a des personnes qui sont plus dans le rock ou qui doivent absolument se produire en groupe. Et là, c'est super dur de trouver des cachets, quoi. C'est parce que les bars ou les cafcons qui prennent des musiciens, ça c'est, et ces établissements reçoivent 50 mails par jour de groupes qui veulent jouer chez eux, donc pour avoir une date à un moment donné, c'est l'enfer, quoi. Donc voilà, j'ai un créneau où j'ai de la chance de pas avoir énormément de concurrence, et ça va bien. Tu parlais de café-concert, moi je vous en conseille un par exemple que je connais qui est plutôt sympa de café-concert qui s'appelle le Marilou. Est-ce que vous avez envie qu'on y aille tous ensemble ou pas? Ouais, c'est parti, vas-y, envoie le Marilou. J'avais oublié que ça existait. J'envoie tout balader, j'expédie mon dernier rendez-vous. J'ai sans plan mes dossiers sur mon grand bureau à cajou. Je pars pour la soirée, 18 rue des Bambous. Je donne des concerts tout l'été, au Cafcons, le Malou. Je suis pas super bien payé, mais je me plains pas du tout. Tant que la salle est bondée et que les filles sont debout, des solos endiablés. Dans le dos ou à genoux, un petit peu pour frimer, même un peu beaucoup. Solo pour frimer. Ça vous a plu ce café-concert le Marilou? Ben, c'était Grégory Paradisi. Ah oui! Greg, là, j'ai voulu te mettre au repos, hein, puisque c'est tu joues gentil. En direct depuis le début. Celle-là, je pourrais pas la jouer, hein, vraiment. On a écouté l'extrait de l'album Le Parfum des Souvenirs. Et oui, puisque là, il y a de la gratte électrique, de toute façon, tu ne l'as pas avec toi. Ouais, j'ai déjà joué en acoustique comme ça, mais je m'en souviens plus du tout comment on a joué. Tout. L'histoire de cette chanson? Kafkons, Maribor, un peu la vie d'artiste, quoi, la vie. Ce qu'on disait, ce dont on parlait tout à l'heure, ouais. Quand on parlait du statut d'intermittent, tout ça, et que t'as évoqué Café Concert, j'ai pensé à ce morceau. Oui, c'est ça, c'est ce que j'évoque absolument dans cette. Dans et cette pour revenir en arrière, la Rewind. Non, ça fait pas comme ça qu'on fait retour. Hein. Ça, c'est plutôt la soupe aux choux. Elle est spécialiste des bruitages. Ah, oh, ouais. Non, c'est plus aigu que ça. Ouais. Ah, bah, je sais plus. Ça existe plus. Les cassettes, ça, bah, on n'écoute plus. Lou, elle a même pas connu les cassettes audio. Elle était pas née. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, alors pour rewinder, faire marche arrière, j'aimerais quand même dire, quand tu évoquais le Guzo, hein, pour vous les artistes, mais aussi pour ceux qui organisent des concerts, hein, les associations ou autres, peuvent passer par le Guzo. Oui, pour déclarer les intermittents. Ça peut être plus facile également, c'est pour le Guzo, les deux parties. Voilà, c'est une démarche unique, donc qui permet qui rassemble toutes les cotisations. Voilà. Donc et puis à la fin vous signez le, ça fait contrat de travail en même temps, et à la fin vous signez le contrat, vous avez la somme le salaire net à donner aux musiciens, les cotisations à donner au Guzo, et vous êtes en règle. Ouais. Là aussi vous cherchez sur internet GUSO, guichet unique du spectacle occasionnel. Bien, je voulais tester tes connaissances. c'était juste. Tu avais une annonce à faire, je voyais que tu regardais ton téléphone. Tout à fait. Alors, j'ai un... Les petites annonces d'Elysse et Moon n'ont qu'à bien se tenir. Une personne qui s'appelle Aquamikaze, qui me dit qui voulait une petite dédicace pour Tonton Armand et Tante Jeanne. Il a un buffet Louis IV qui est en vente sur Le Bon Coin. Et voilà, sinon il est sur le marché de Noël à Gérardmer pour vendre des noix de cajou au profit du club de musette du Gabon. Voilà, je pense que tout ça, c'est pas très vrai, mais enfin, c'est... Oui, si tu m'avais dit, j'aurais mis une musique d'ambiance, là, ça aurait été pas mal. Vas-y. Ah ben, là, j'ai que ton album, alors je sais pas si ça fait musique d'ambiance ou les petites annonces. Hein. Tiens, peut-être que Eve ou toi pourrais jouer en même temps. Non, c'est pas la peine. Lou n'a pas sa guitare. Bah non, elle fait dodo. Et à propos, Lou, je le sais, ça va être la question pour Eve et Greg. Toi, tu donnes des noms un peu à tout, et notamment à tes instruments de musique, en l'occurrence ta guitare. Oui, elle s'appelle Almirez. Pourquoi? Ah bah c'est la marque de la guitare. Oui, ça. C'est l'étiquette qu'il y a au fond. J'ai vendu des instruments de musique. Ouais, bah... Ah ouais, moi je croyais, je m'étais dit, tiens, c'était mystérieux, ça me plaisait bien. Non, mais après je l'appelle comme ça depuis que je suis toute petite, parce que y avait écrit Almirez au fond, alors je l'appelle Almirez. Mais après, oui, forcément, tu vas te poser la question. Il y en avait une autre chez mon grand-père, une guitare hybride, je crois que ça date des années 60-70, c'est-à-dire elle a une caisse de résonance de guitare classique et un manche de folk. Après, je parle vraiment en profane. Comme c'est une hybride, je l'ai appelée Crapaud. Voilà. Et vous, est-ce que vous donnez des noms à vos instruments de musique? C'est les guitares que vous avez avec vous? Ouais, non, pas du tout. Non plus. Oh, va falloir, hein. Pour la prochaine fois, faut que vous trouviez un nom, comme ça on pourra les appeler aussi. Eh tiens, je l'ai pas fait, alors je sais pas toi, Eve, si c'est possible, mais moi je pense, mais tu me diras. Ah, j'ai même pas posé la question. Ce que je demande généralement aux musiciens, c'est, en plus de se présenter eux-mêmes, c'est de faire présenter leur instrument, c'est-à-dire si elles devaient se présenter, quel son elles feraient là, en ce moment précis, dans ce lieu, studio de Radio Gamozo. Greg, ta guitare, si c'est elle qui prend le contrôle, qu'est-ce qu'elle nous dit là, maintenant, tout de suite? Laisse-la parler. Ne t'occupe pas. N'intellectualise pas. faut que je parle en son nom. Faut dire non, Qu'est-ce qu'elle joue tout seul? Donc je dois jouer un truc, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Laisse courir tes doigts sur le manche. Voilà. Là, c'est beau. D'accord. Elle est plutôt cool, ta guitare, elle est, je sais pas, j'ai l'impression que. Ah ben, qu'elle est tranquille. Je lâche pas, hein. Ça fait 15 ans qu'elle est avec moi, 10, peut-être un peu plus même. Et. C'est sa première femme ou la deuxième? Sa première femme. Ça dépend si ma femme écoute ou pas, en fait. En tout cas, on le disait, tu as tenu un magasin d'instruments de musique. T'en avais plein des instruments, et c'est celle-là plus particulièrement. J'ai même pas acheté dans mon magasin. Tu l'avais avant. Oui. Voilà. Et t'aurais pu en avoir une autre après dans ton magasin. T'as conservé celle-là. Bah en fait dans mon magasin j'avais pas de guitare assez... Je suis con de dire ça, mais assez bien. Hein, ouais. C'est pour ça qu'il a fermé. Il a duré 2 ans le magasin. Ben non, mais ben le c'est voilà. L'emplacement aussi. Disons que sur Gérard Armé, ben il y avait pas beaucoup de clientèle pour des instruments un peu haut de gamme, quoi. Donc j'en avais pas. Quoi. Et t'avais repris, hein. Donc ça s'appelait comment? Musique Buchta. Tu l'avais repris? Ouais, j'ai viré le patron et ça s'appelait Greg Music après. Ouais. Parce que toi, t'étais employé là et ouais. Ensuite t'as. J'ai viré le patron. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, Gérard Armé, il n'y a plus de magasin de musique. Hein. Non. Donc, ça exprime ce que tu disais, c'est-à-dire que c'était compliqué dans cette ville d'avoir un magasin... Ouais, puis là, je crois vraiment que... Pour te dire, je crois que même à Nancy, à Mulhouse, ça ferme. Alors, c'est terminé, hein, le magasin de musique. Hein. C'est terminé. Tout sur Internet, maintenant. Bah oui. Hein. Tout le monde achète sur des gros magasins qui ont 5000 guitares en stock. Enfin, voilà, c'est comme... Triste, hein, un peu, mais c'est comme tout, quoi. C'est comme les vêtements, c'est des boîtes qui vendent, qui ont des 50 000 articles en stock, et puis en plus, on peut les, retourner. C'est con, quoi. On peut les retourner, on peut les essayer 30 jours et les retourner si ça nous convient pas. C'est dingue, quoi. Qui peut concurrencer ça, quoi? Un magasin de musique, même dans une grande ville comme Nancy ou Strasbourg, ils vont avoir, 50 guitares, 100 guitares électriques en stock. Et puis on va pas vous dire prenez-la chez vous, essayez-la, puis vous nous la retournerez quand si ça vous convient pas, quoi. Enfin, voilà. C'est dommage, hein, d'en arriver là, mais. Oh, mais qu'entends-je? Ce n'est pas la guitare d'Ève qui a envie de s'exprimer là? Non. Oh, j'avais cru entendre, percevoir. Bah ça va être bref, hein, moi. Je ne sais pas jouer de la guitare. Je fais semblant. Non, mais c'est bien, c'est une bonne introduction. Bah, c'est ça. Non, mais si, parce que bah, ça commence. Tout commence moi, je sais par ce là. Que c'est. Tout commence par le 1. Hein. One. Vas-y. Après, il y a le tout ou pas? C'est quoi la suite après? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 5, 10. Non, je suis pas prête là. Ah, elle a pas son texte. Alors, on ah, bah était non, parti pas là. Pour la alors, faire. Bah nous, on était prêts. Hein. Là, ensuite. On était. Ah, nous, on allait rocker là dans le c'était studio. Juste, oui, on était parti. Alors, comme vous ne venez pas nous voir dans ce studio situé au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont, vous ne pouvez pas voir le gros classeur de Greg et Dave. Il y a des chansons pour, je ne sais pas, jusqu'à demain matin facile. Hein. Vous n'allez pas le dire, hein. Fallait dire qu'on connaît tout par cœur. Tout ça. Ah ouais. presque. Allez, vas-y, sauterelle. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Gonna rock around the clock tonight when your clicks rock on. Join me home, we'll have some fun when the clock struck on. Gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, cheer all daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, we can fall if the bed slows down. Ring 5, 6 and 7. We'll be rocking in the sevens. Heaven, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong. And so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock till we could out there start rocking around the clock again. We gonna rock around. Yeah. Merci Grégory Paradisi et Eve Petri, c'est le duo Sorbet Citron. Vous l'interprétez avec votre, dans votre duo, celui-ci? Oui, à tous les coups. À tous les coups. Ah ben, ce que je remarque, c'est que la guitare d'Eve, peut-être soi-disant moins expérimentée, est plus rock'n'roll que la tienne, Greg. T'as vu ce qu'elle nous a sorti? Ce costume-toi. Ah bah, toi, c'était tout, tout cool. En tout cas, elle était pépère, elle sortait de la sieste, la tienne. Alors que celle d'Eve, t'as vu? Ah bah, j'espère qu'on l'a quand même pas trop entendu, parce que c'est loin d'être parfait. Mais... Ah bah, on a entendu si qu'elle, j'avais coupé la guitare de Greg. Oh non, faut pas faire ça. C'est ça que je m'entendais pas, là. Des fois, il me fait des petites crasses, il me laisse jouer toute seule, il reprend pas et tout, je suis en panique totale. Alors, le duo Sorbet Citron, vous avez aimé, vous pourrez les voir en concert près de chez vous. J'ai noté les dates, mais un peu de manière très bordélique. Donc, je vais vous dire la première, le 21, donc c'est-à-dire le 21, vendredi, au Bodega. À la Bodega. Ah oui, on dit le S. Hein, à la Bodega, à Gérardmer. Bodega, non. Ouais. À Gérardmer, et il y a le 27. Au Valais à la Bresse, à l'hôtel Les Valais à Tout la Bresse. Tout à fait. Tout à fait, hein. Et puis le 4 janvier à la Bodegas. Tout à fait. Et le 1er ou le 2 février au casino de Gérardmer, le 1er. 1er février. 1er février. Comment ça se passe dans ces lieux? Bon, il y a pas mal d'hôtels. Est-ce qu'on peut y aller comme ça sans avoir à y dormir? Bah oui, parce que on peut y aller pour y manger, oui, mais dans la plupart des hôtels, on peut aller juste manger au restaurant, dans tous même d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est pour les clients. On peut pas venir vous voir comme ça sans être client. Si, si. Bah, si, sûrement, si on va y pour y manger. Quand, bah, faut oui, non, mais manger. C'est ce qu'on avait dit l'autre jour. L'autre fois, quand ouais. J'étais venu, pour aller voir Grégory Paradisi, il faut quand même dépenser 40 ou 50 balles au restaurant. Ouais, parce c'est qu'on ça. Dit c'est gratuit. C'est ce il y a le repas, quoi. Non, mais dans les bars des hôtels aussi, on joue donc, par exemple, à la Bresse, au Valais, là, on joue au bar. Voilà. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas client, vous pouvez venir aller boire un verre au bar de l'hôtel et puis c'est des endroits sympas, les endroits alors, que vous en plus avez c'est super chaleureux. Ouais. C'est l'occasion de découvrir des endroits où on va jamais. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu de vos formations respectives, même au-delà de l'artistique, voir comment après vous en êtes venu, puisque je pense notamment à toi, Greg, qui a fait en parallèle conservatoire et études de biologie. Oui. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens, non? D'abord études de biologie, puis conservatoire. Bah ouais, parce que l'IUT en bio, ouais, c'est costaud quand même, assez costaud. Et du coup, bah, le conservatoire, j'y allais quand je pouvais, quoi. Voilà. Tu voulais faire quoi en études de biologie? C'était pour devenir. Bah j'étais dans l'agronomie, moi. J'étais parti plus sur ces interactions agriculture environnement. Ouais, j'étais parti là-dedans, moi. Mais bon, si assez rapidement après t'es allé au conservatoire, c'est que t'avais déjà des idées d'ailleurs. Bah, oui, moi, c'est sûr que une fois que je suis sorti de l'IUT, j'ai fait des entretiens d'embauche, mais bon, ils arrivaient à me faire dire que la musique c'était tout pour moi, quoi. Donc ça marchait jamais, en fait. Non, bah quand on a une passion comme la musique, c'est vrai que c'est difficile de penser à faire autre chose que ça, quoi. C'était où le conservatoire? Nancy. Donc ça s'est passé comment? T'es satisfait de ce passage-là? Tu peux le conseiller ou pas, justement, à ceux qui écoutent, encore une fois, et qui ont envie de se lancer dans la musique? Je sais pas trop quoi penser. Ouais, en plus, j'avais 18 ans. J'ai commencé le conservatoire à 18 ans, donc j'étais avec des gamins qui avait 8 ans, quoi. J'arrivais même pas à mettre mes genoux sous les tables. Donc, c'était déjà un peu particulier. Pareil, pour les cours d'instruments, j'étais dans un niveau moyen, donc c'est une demi-heure de cours à peine dans la semaine, en niveau instrument, alors que ceux qui ont des niveaux élevés, ils ont une vraie heure de cours. Voilà. Alors après, souvent, c'est des gens qui sont en fac de musicaux, qui suivent des études au conservatoire en parallèle. Les débouchés, bien sûr, mis à part, sauf si vous êtes excellent. Si vous n'êtes pas excellent, ben vous en tirerez le plaisir de jouer, mais si vous n'êtes pas excellent, vous en ferez pas votre métier, voilà. En tant que concertiste classique, hein, je parle, faut être, si vous n'êtes pas parmi les 5 premiers sur les je sais pas combien de personnes qu'il y a, pas la peine, quoi. Voilà. Ève, des études de musique ou pas? Non, non, absolument pas. Non, non, pas du tout. Je suis tombée dedans par hasard. Non, non, je pas de musique. C'était quoi par hasard? Ben non, rien. J'ai pris des cours de guitare à 27 ans et puis j'ai voilà, fait du piano étant enfant, mais c'est tout. Et c'était pour toi impensable, ça t'a jamais effleuré l'esprit de ces études de musique comme Greg? Non, parce que j'ai jamais envisagé d'en vivre déjà. Donc, et puis comme je le disais tout à l'heure, je n'ai fait que saisir des opportunités. Donc je n'ai pas jamais projeté vraiment de faire tout ça. Ce que vient de dire Greg, ça donne encore moins envie d'y aller. Mais bon, après, c'est ton expérience propre. Après, c'est selon chacun. J'imagine non, que ça convient à d'autres. Tout le monde connaît la rigueur de la musique classique, je crois. Il faut être excellent, et puis c'est tout. Et puis bosser 8 heures par jour, et puis faire que ça. Et puis ne pas avoir de vie à côté, quoi. Donc c'est un choix, quoi. Enfin... Ah non, si, il y a aussi une école. Alors, je crois pas que c'est la même. Toi, le conservatoire, c'est pas la musique académie internationale. Hein. Ah non, c'est à part. C'est totalement à part. Parce que le conservatoire, bah, je pense que c'est une école publique, hein, je pense. Alors que l'académie, c'est une école privée. Et là, ça n'a rien à voir avec le classique. Hein. L'académie, c'est vraiment pour devenir chanteur, pour devenir ingénieur du son, pour devenir... Elle a beaucoup de succès, musicien. L'académie. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est quoi, MAI, on dit? Oui. Oui, non, c'est en le anglais. Le MAI ou la MAI? La musique, le... Ouais, je sais pas, musique je sais Académie Internationale. Ouais. Musique Académie Internationale. Ah non, si. Ouais. Oui, International, parce qu'il y en a eu. Hein. International. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui sortent de là. Bah, je vais en citer quelques-uns. Ouais. Toi, tu peux en citer. Moi, je vais dire Yacine de Mysterias qui est venu. Ah, le salut, j'ai vu sur Facebook, il nous a mis un j'aime pour l'émission d'aujourd'hui. Oui. Avec son clavier, Stéphane Escoms aussi, il sort de là-bas. Qui c'est qu'il y a d'autres? Aïssat, je disais, du Tio. Comment? Aïssat. Aïssat. On va dire chanteuse world music. Je connais pas, oui. Qui est du Tio. Enfin voilà, on connaît quelques personnes. C'est une grosse année de formation, un an ou deux. Ah bah, il y a eu aussi, je crois qu'il y en a qui ont fait des émissions de télé-réalité musicale. Ouais, sur Nancy, il est assez connu, avec Kissa Milé, le groupe, enfin le chanteur du groupe, Vincent, il s'appelle. Et puis il y a Clément aussi. Il y avait Oussine là qui avait fait Star Academy. Il a fait aussi l'Académie. Aussi, peut-être. Ouais, puis il y avait un guitariste aussi, je me souviens, qui de pareil Star Academy des premiers là. Lilian Renaud aussi qui a gagné The Voice il y a quelques années là. Oui, il était à la MAI. Il était à la MAI aussi. Ouais. Toi Lou, est-ce que tu as fait des études d'art ou autre? Non plus, même si encore une fois j'ai toujours dessiné depuis toute petite. Hein. Il y a plein de dessins de moi accrochés dans les murs, enfin sur les murs de la maison de mes parents. Au collège, j'ai suivi le cours perfectionné d'art. Je faisais partie du club d'art. Alors j'ai appris à monter un tableau moi-même. J'en ai fait un. Bon, je le regarde aujourd'hui, je le trouve pas fameux. C'est juste un poisson dans un récif corallien. Et au lycée, c'était compliqué. J'étais fâchée avec ma prof d'art plat. Alors ça a un petit peu tout mis en l'air, alors que je voulais plus que tout, enfin en plus que d'être psy, mais j'ai un parcours extrêmement compliqué. Moi je suis, je pense que c'est le cas de beaucoup, mais voilà. Les parcours de vie, c'est ça justement, c'est essayer aussi des fois, on peut pas savoir avant de faire, donc c'est vrai, mais j'ai des amis où mes amis ont tous des parcours très droits, et moi c'est droite à gauche, droite à gauche, et parmi mes rêves aussi, c'était d'intégrer les beaux-arts, et j'ai pas eu le courage. Là, je peux le dire honnêtement, j'ai pas eu le courage. Après, est-ce que j'ai des regrets? Parfois oui, parfois non, parce que j'ai un ami qui a passé 8 ans aux Beaux-Arts et qui m'a dit ça m'a mené nulle part. Après, j'ai mon cousin qui lui est aux Beaux-Arts de Paris en ce moment même et qui a l'air de s'épanouir. Lui, il est en option cinéma, si je me trompe pas. Après, la vie m'a mené ailleurs. Hein. J'ai atterri ici et je suis très heureuse ici pour l'instant. Alors, voilà, c'est ce que je dis souvent, quand la vie ferme une porte, elle ouvre une fenêtre. Alors, voilà, où est-ce que ça va mener plus tard, je sais pas. D'ailleurs, on parlera d'écriture tout à l'heure, hein, puisque d'un côté, vous écrivez des chansons, de l'autre, Lou, toi, je sais que tu écris quelques textes, puisque tu parlais de ton arrivée à Radio Gamozo il y a plus de 2 ans, c'était par le biais d'un atelier d'écriture. Mais on l'évoquera peut-être tout à l'heure, parce que moi, je voudrais continuer sur un peu ce que vous évoquiez tous, c'est-à-dire, encore une fois, l'importance des rencontres, c'est-à-dire, d'un côté, on peut aimer des disciplines, mais c'est vraiment selon la personne qui va nous enseigner qu'on va continuer ou non. C'est-à-dire que des disciplines qui étaient faites pour nous plaire peuvent d'un coup ne plus nous plaire parce qu'on n'aura pas trouvé la bonne personne pour nous enseigner. Ouais. C'est vrai que c'est important, ça. Ouais. En tout cas, c'est ce que vous disiez aussi. Là, par exemple, toi, Lou, notamment avec cette prof d'art plastique. Oui, c'était méchant. Hein. Je suis allée. Il y en a beaucoup, en tout cas. Je suis allée lui demander à part si je pouvais quitter le cours parce que, en fait, à cette époque-là, je voulais plus apprendre des techniques ou beaucoup plus d'histoire de l'art. Et donc, je voulais la prendre à part pour lui demander si je pouvais arrêter le cours et me consacrer à autre chose. Elle m'a hurlé dessus devant la classe. Alors, j'ai passé la quasi-totalité de l'année. D'ailleurs, ça me ressemble pas, mais la quasi-totalité de l'année, assise sur ma chaise avec les bras croisés en regardant droit devant moi. Et j'ai quand même, je crois, j'ai eu 15 de moyenne. En croisant les bras, pas mal. Ouais. Et dans ce que vous dites aussi, ce que je retiens, c'est que, encore une fois, il n'est pas obligatoire de faire des écoles dans ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que oui, on peut être autodidacte. Maintenant, il y a Internet, on peut aussi apprendre par ce biais, ou alors des cours particuliers. Enfin, il y a plein de façons autres que sans dénigrer les études, ça peut convenir à d'autres, mais c'est pas le seul moyen d'arriver à ce qu'on a envie de faire. Bah non, c'est vrai, c'est marrant quand on y repense, on se dit ouais, c'est enfin le parcours qu'est-ce que je voulais dire. Ce que disait Lou aussi, c'est-à-dire ça peut être sinueux, ça peut être aussi essayer différentes. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que la vraiment l'envie et la passion, c'est, je crois que c'est super important, parce que j'ai l'impression, malheureusement, ça doit pas toujours marcher, mais quand on a vraiment l'envie et la passion, j'ai l'impression qu'on peut presque arriver à tout, quoi. Enfin... Et s'adapter, comme on le disait avec toi, ou par exemple Eve qui, elle, apparemment, j'ai envie de dire, c'était tracé, c'est-à-dire que d'un côté, elle a un métier, et de l'autre, elle a cette passion. Bon, tu gagnes aussi un peu d'argent avec cette passion. Oui, bien, Et donc, je crache pas dessus. Le fait que c'était clair pour toi, t'as pas cherché à en faire un métier unique, du coup, ça a l'air d'être très naturel dans ta démarche. Je trouve que j'ai une chance énorme, en fait, de pouvoir profiter de ça et sans m'être investi. Si je m'investis une fois que je possède les choses, mais c'est venu à moi, en fait, et c'est un bonheur, c'est une grande chance. Et ce que tu disais, Greg, aussi, hein, finalement, s'adapter. Quand on en a envie, comme toi c'était le cas, tu t'es adapté à cette situation qui peut paraître difficile, notamment l'intermittence. Et t'as réussi à trouver, là tu fais ton trou. Ben ouais. Tu t'en sors. C'est presque miraculeux. Non, mais je dis toujours que, enfin, il y a la passion bien sûr, il y a l'envie, mais et du coup j'ai l'impression que le fait d'avoir cette envie, cette passion, il y a une part de chance qui arrive. C'était une chance qu'il y ait un magasin de musique qui s'ouvre à Gérardmer, parce que enfin, ça part un peu de là aussi, quoi. Parfois, il y a des signes. En tout cas, faut savoir saisir, comme le disait très justement Eve, les opportunités. À un moment, elles se présentent. Faut savoir les reconnaître et les saisir. Ben oui. C'est l'idée. Ouais. Oui. Dans ce qu'on disait, Lou, avec toi, par rapport aux Beaux-Arts, je voudrais aussi signaler, c'est une petite parenthèse, mais ça va dans cette lignée, tu m'avais fait découvrir un livre que j'aimerais aussi partager avec ceux qui écoutent. Quand on parlait des Beaux-Arts, il y a un superbe ouvrage qui s'appelle « La part de l'autre » d'Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que tu veux nous en parler? Tu vois pourquoi j'évoque ce bouquin? Oui, très bien. Je l'ai lu il y a un petit moment, mais j'ai dû l'étudier pour mon TPE en première. Enfin, c'est pas moi qui l'ai lu à cette époque. Pour le TPE, j'étais aussi assise sur ma chaise, les bras croisés pendant que mes copines bossaient. Mais bon, j'ai quand même eu 13 de moyenne. Ah, t'imagines si tu bossais un peu? Ah ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'est un concept qu'il faudrait explorer. C'est une histoire en deux. Il y a d'un côté l'histoire d'Adolf H, qui est un jeune Autrichien qui a envie de devenir artiste et qui intègre les beaux-arts, et on voit comment son parcours évolue avec le contexte historique de l'époque, parce que ça commence en Autriche dans les années, c'est avant la Première Guerre mondiale, donc 1900, quelque chose comme ça. Et d'un autre côté, le parcours d'Adolf Hitler, qui a été recalé aux beaux-arts parce qu'il voulait les intégrer, et qui devient ce qu'il devient. Et en effet, la question se pose du que serait-il advenu du monde et d'Adolf Hitler s'il avait été accepté aux beaux-arts. D'ailleurs, j'ai vu des peintures qu'il a faites, elles sont jolies, hein, au niveau technique, elles sont jolies, d'ailleurs elles se vendent extrêmement cher. Elles expriment pas grand-chose, mais après, il aurait pu s'épanouir autrement en intégrant cette école. Et voilà la question de, qu'est-ce qui se serait passé si ? J'imagine que c'est peut-être ça que tu voulais relever. Tout à fait. Et puis ça rejoint un peu tout ce qu'on dit là, c'est-à-dire à quoi ça peut tenir. Hein, on parlait d'opportunités. Et finalement un destin peut basculer, sans doute. Ouais, c'est incroyable ça. Ouais. Bah moi, si je reviens dix ans en avant. Je savais pas que, que je passerais mon été à faire des concerts. Déjà, je savais pas que j'en serais capable, mais donc, oui, c'est vrai. La vie nous offre de belles opportunités, de belles surprises. Et peut-être qu'il y a aussi, alors bien sûr, tout ne se joue pas à l'enfance, mais il y a quand même beaucoup, on le sait, hein, qui se joue là. Et il y a un titre, encore une fois, sur ton album Le Parfum des Souvenirs, Greg. Et puis après, on parlera du nouveau, de celui qui viendra au mois de mars, dédié à ton fils, tu l'évoquais tout à l'heure, ça s'appelle Petit Bonhomme. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute sur le CD ou tu nous le joues en direct ? Oui, sur le CD, oui. Ah, il veut plus. Alors, il n'arrêtait pas en direct et puis maintenant, ça y est, maintenant. C'est pareil, c'est une chanson que j'ai plus jouée depuis la sortie de l'album, donc ça risque d'être cata. Ah, sans faut qu'il pleure. La lumière du soleil m'éblouit, et tout ce bruit est effrayant. Je n'ai pour seul repère que la voix de mes deux parents, mes deux parents. On me dévisage, on sourit, on me parle, je ne comprends rien. La brume m'inonde au loin, je devine de jolies petites mains, mes petites mains. Avec les copains de l'école, mon cadeau est bien arrivé. Je suis fier de vous présenter mon petit frère. Grégory Paradisi, petit bonhomme, extrait de l'album, l'album Le Parfum des Souvenirs. Et c'était, alors, en 2014, Greg, hein, déjà 4 ans qui ont passé. Mais oui, mon vieux. 4 ans. C'est pour ça qu'on va pas tarder à évoquer cet album à venir en 2019, c'est-à-dire dans quelques mois, au mois de mars. Mais avant cela, j'aimerais que tu nous dises, toi, qu'est-ce que tu tiens de cette deuxième expérience en solo? Il y avait eu cet EP Mon Petit Monde en 2008, puis 6 ans après cet album Le Parfum des Souvenirs. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cet album en particulier? Il y a eu des moments. C'est un album que j'ai fait de manière, on va dire, pour le plus économique possible. Donc j'ai tout fait à la maison, seul. Les programmations batterie, les guitares, les basses, les voix, les chœurs, les percus. Enfin, donc voilà, j'ai passé un an des nuits. J'ai passé un temps fou à faire ça. Je pense que ça a été très ça m'a appris pas mal de choses, hein, mais bon, forcément le rendu c'est un rendu d'un album fait seul, quoi. D'ailleurs, si vous voulez voir l'endroit où Greg a fabriqué cet album, vous pouvez le voir sur son site internet, par exemple gregoryparadisi.wordpress.com, puisque on peut voir des vidéos que tu postes de temps en temps dans ton home studio. Ouais, c'est tranquillou vrai. À la maison. C'est il a l'air sympa, ce studio. Ouais, c'est super sympa. C'est vrai, hein. Venez, je vais t'offrir une bière. Non, mais ça plairait bien à Eve. Mais il le sait. Bah, Eve, elle vient répéter d'ailleurs. Si il n'y a pas de bière, je ne viens pas répéter. Oui, d'ailleurs, j'en avais pas avant hier soir. Elle m'a dit non, je suis fatigué, je ne viens pas répéter. Et ouais, je me suis fait une petite pièce. C'est vrai que c'est cool, quoi, d'avoir une petite pièce comme ça pour faire une maquette. Là aussi, hein, ça, encore une fois, hein, bien sûr, on parle de vous, mais ça peut rendre service à ceux qui écoutent. Ça peut être une solution. Maintenant, c'est facile, notamment les logiciels gratuits. Oui. Le logiciel de base, par exemple, Audacity, je sais pas. Oui, enfin, ou gratuit, ou enfin. Toi, t'as un payant, hein, gratuit. Non, j'ai acheté. Moi, il y avait le logiciel intégré dans l'ordi. J'ai acheté l'ordi avec le logiciel dedans. Ça. Vous voyez, bon, je sais pas, ça doit coûter le petit logiciel de base, peut-être 50 balles. Les micros? Comment? Les micros? Après, un micro, c'est pareil, 50€, une petite interface audio. Bon, faut quand même avoir l'ordi. Bon, allez, avec l'ordi, tout, faut quand même mettre au moins un petit 2000€, quoi. Enfin, l'ordi acheté quand même, hein, en comptant l'ordi, quoi. Le micro, l'interface audio pour brancher le micro. Et pour que ça sonne voilà. Bien. On a vu de la mousse ouais. Dans ton studio. Ben oui, c'est des absorbeurs. En fait, c'est un traitement acoustique, quoi, pour pas que ça y ait trop de réverbération. Donc, on met des absorbants au mur, des choses comme ça pour avoir un son qui soit sympa dans la pièce. Et ça, par contre, ça coûte cher. Si vous faites avec des boîtes d'œufs, ça sera moins cher. Mais bon, ça marche beaucoup moins bien aussi. Dans l'évolution de ton parcours, donc il y a ce home studio, d'accord, mais ce nouvel album à venir, eh bien, c'est dans un autre studio qu'il est en train d'être enregistré. Chez AJL Rec à Dinosé. Alors là, c'est professionnel. Ah bah oui, non mais là ça change tout. Enfin, ça change tout, puisqu'il change surtout, c'est le fait de travailler avec des musiciens, quoi. Tu n'es plus seul. Avec un vrai batteur, un vrai guitariste, un vrai pianiste. un vrai bassiste. Jean-Loup, le propriétaire du studio, est bassiste. Et il joue dans un groupe d'ailleurs qui s'appelle Cadillac, les reprises de Johnny Hallyday là, qui tourne depuis un bout de temps. Cartonne bien, ouais. Et puis là, ils se sont reformés. Enfin, ils ont et là, ça cartonne bien. Bon, forcément avec le décès de Johnny Hallyday, il y a eu pas mal de dates qui sont tombées dernièrement. Ça, ils tournent bien, ça joue bien. Ouais. Donc voilà le studio avec des musiciens. Forcément, ça change tout. Ils m'apportent des idées. Autre, moi je leur ai proposé la maquette, hein, j'ai fait la maquette à la maison, et puis ils ont un petit peu bousculé mes habitudes, et ils ont fait de mes chansons, les chansons prennent un petit peu une couleur un peu différente. Donc c'est ça super. Qui peut être intéressant de travailler dans un vrai studio avec des musiciens, c'est que toi, tu emmène les chansons écrites et composées, mais eux, après, quand ils jouent les partitions, ils adaptent finalement ta composition. Ils l'amènent ailleurs. Ouais, ils sont un petit peu, surtout le batteur, et puis Jean-Loup, le studio, le bassiste, ils ont été un petit peu directeurs artistiques, quoi, sur cet album. Ils m'ont dit, ah, ça, tu ferais mieux de faire comme ça. Il y a des chansons qui sonnaient, je peux le dire, hein, je m'en cache pas, j'aime beaucoup Calogero, je m'en inspire, mais par exemple il y a une ou deux chansons qui sonnaient très Calogero, quoi, et un petit peu inconsciemment, hein, mais bon, c'est pas génial. Donc ils m'ont dit, tiens, c'est bien de la jouer plutôt comme ça, que voilà, pour avoir ma propre identité aussi, quoi, c'est important. Ça ressemble pas à quelque chose de connu, et c'est important d'avoir ma propre identité, bien sûr. Donc ils m'ont apporté beaucoup là-dessus. On en est où à ce moment là de construction d'album? Eh ben les instruments ont été tous enregistrés. Donc voilà, les voix début janvier là. On va faire les voix début janvier, et puis le mixage par la suite. Il y a du gros boulot de mixage. Et le clip, Eve, elle me dit, et le clip. Mais oui, et le clip, bien sûr, qui sortira en même temps que l'album. Donc j'espère au mois de mars. Normalement, tu sais déjà quel sera le premier single, comme on dit? Ça sera Retrouver l'essentiel. Et c'est pas maintenant qu'on va le retrouver, l'essentiel? Bah si, écoute, avec oh, plaisir. Oh bah dis donc, et ça y est, tu reprends ta guitare, et alléluia. comme dirait Leonard Cohen. Allez. Donc l'album. Ah bah oui, non, ouais. Mais si je branche pas mon micro, ça va pas le faire. Faut que je commence à chaque fois, commente à chaque fois ce moment où le musicien met le capodastre sur le manche de sa guitare, et à chaque fois, faut redéfinir ce qu'est un capodastre. Eve. C'est son truc, ça. Vas-y, t'aimes bien parler. Bah le capodastre, ça sert à. Apparemment, c'est pour les fainéants. C'est pour les fainéants. Ben non, pas que. Je connais un autre qui dit ça. Mais pas que, c'est surtout pour changer les tonalités, quoi, pour s'adapter à la voix qui correspond mieux à ce qu'on veut chanter, quoi. Enfin. Et puis vous avez des capodastres avec vos guitares? Ah bah oui, moi je sais pas faire de la guitare, donc il me faut un capodastre. Elle est sur la liste des cadeaux de Noël, en ce qui me concerne. 22€ chez Greg Music. Ah non, c'est fini. Allez, retrouvez l'essentiel. On s'angoisse, on suffoque, coincé dans la spirale. Bord de la syncope, Bérésina générale. On ignore, on s'en moque, on finit par accepter la normale. Les pieds dans les starting blocks, absurdité viscérale. Que l'on m'envie si je m'enfuis plus haut que l'indécente infamie du paradis superficiel. Retrouver l'essentiel. Arrêter le temps. Chasser le naturel. et vivre à contre-courant. Retrouver l'essentiel, caresser le temps, respirer le printemps et contempler le ciel. Retrouver l'essentiel. On dérive en silence, c'est face à l'écran qu'on s'étale. Et de toute évidence, noyé sous le flot lacrymal, on nous fait croire en la chance, envoûté par l'argument commercial. Payer les conséquences de l'addiction subliminale, que l'on m'élève infiniment au-delà des voies du néant, sous une pluie de décibels. Retrouver l'essentiel, enfin prendre le temps, penser tu es si belle, mais te le dire plus souvent. L'essentiel, tant qu'il est encore temps, on ne fait plus semblant. Dans cette vie parallèle, retrouver l'essentiel. L'essentiel. Bravo, merci Grégory. Merci beaucoup. Paradisi, c'est Retrouver l'essentiel, apparaître sur le prochain album de Greg et qui s'appellera peut-être Retrouver l'essentiel. Bah, c'est bien comme titre, c'est positif. Au mois de mars prochain. Et pourquoi tu as choisi ce morceau pour ouvrir le bal de cet album et puis aussi le représenter de toutes les façons puisque ça donnera le nom. Déjà, c'est, je pense, un des meilleurs titres de l'EP, quoi. Et d'une part, et puis Retrouver l'essentiel, je trouve que c'est super, c'est un titre qui est positif, et puis qui, à notre époque actuelle, là, résonne bien, c'est un peu dans... Oh, aidez-moi, zut. on a besoin de retourner aux racines et de retrouver finalement, je parle de retourner aux racines, en tout cas, retrouver ce qui compte le plus, l'essentiel, finalement, qui n'est peut-être pas, et ça m'a fait penser à un petit peu aussi, à Full Sentimental, la société de consommation, finalement, retourner à la source. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que cette chanson, elle parle de ça, quoi. Enfin, je ressens beaucoup. La vie à 100 à l'heure. Retrouver l'essentiel. Faut aller se ressourcer. Se ressourcer. Et on peut le faire sur gregorywordpress.com. Se ressourcer. Faut pas exagérer non plus. Mais si, puisque notamment se ressourcer par le visuel du prochain album. Parce que c'est... Il y a des photos. J'ai fait une séance photo. Ouais. Voilà, j'ai mis quelques photos de la séance photo. Et il y en a une autre séance qui s'est déroulée il y a 15 jours, là. Et je vais, du coup, peut-être prendre une photo de la dernière séance. La dernière séance. J'ai reconnu. Bravo. Bravo, parce qu'il fallait le faire pour reconnaître. Ouais, c'est pas évident pour créer la pochette d'un album, là, avoir assez de recul pour trouver si c'est bien, si c'est pas bien. On a fait d'autres photos, là, on va voir si j'utilise une des photos là ou les nouvelles que j'ai. Mais ce que je voulais dire, Greg, c'est quand on parle de retrouver l'essentiel, en fait, c'était tes précédentes séances photos qu'on peut voir là aussi, hein, sur ton site internet, qui étaient en nature, etc. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. C'était là, c'était ton esprit. C'était la séance photo pour l'affiche des concerts. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était au milieu de la forêt, au printemps. Les feuilles sont jolies. Elles sont vertes, vert clair. Et ouais, c'est nature. Parce que là, ceux qui iront voir cette séance de photos, alors je sais pas si la prochaine sera dans cet état d'esprit. Là, c'est très sobre. Hein, on voit Greg. Je fais comme ça hein, pour vous qui êtes en studio, pour vous qui écoutez, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de la tête à la taille. On te voit, je crois qu'on appelle ça un plan américain, beaucoup. Peut-être bien, ouais. Sur les photos, là, on me voit comme ça. Ouais. Ah, mais parce que tu les as pas ouvertes, les photos, tu les as regardées comme ça. Alors que si tu cliques, tu les vois entières. Là, le feignant. Il est là. C'est pas celui qui utilise le capodastre avec sa guitare, c'est celui qui n'ouvre pas les photos sur Internet, voilà. Qui regarde globalement. Et en fait, petite rectification, le plan américain, c'est en fait en dessous de la ceinture pour bien voir le Colt. Voilà, d'accord. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'on dit plan américain. D'où le nom plan américain. Merci Lou. D'accord. Ouais. T'as un Colt sur des photos là ? Non. Donc tu es de pied. Oui. Oui, les photos sont de pied. Si vous faites l'effort de cliquer dessus, normalement, vous voyez même mes pieds. C'est ce qui est le plus important, les pieds, bien sûr. Ah oui, parce que là, je voyais une belle chemise blanche. Ouais. Toujours bien sapé, Greg, hein. Ah ben, attends. et la prochaine, donc ça sera dans cet esprit. Non, la photo pour l'album là, ça risque d'être c'est très sobre, très après épuré. On va voir comment tu dis. Très épuré. Très épuré, ouais, avec peut-être un par contre ça risque d'être blanc, noir et blanc mais avec un truc de couleur dessus, une sorte de gros logo, enfin. Parce qu'on voilà. Évoquait un peu le dessin, illustration, art graphique. C'est toujours ta tronche qui agrègue sur tes pochettes d'album. Pourquoi pas justement une illustration ou autre chose ? Est-ce que tu y as pensé ? Non, j'aime ma tronche. Un Narcisse. Ouais, c'est ça, Narcisse. qu'est-ce que c'était sur le précédent, c'était oui à chaque fois, c'est vrai. C'est, je sais pas, je vois pas mettre. Parce que c'est ta vie aussi dans ces albums. Ouais. Oui, c'est toujours assez autobiographique, peut-être. Enfin, quoi que sur l'album là, beaucoup moins. C'est quand même plus des choses. Enfin, c'est bien. J'ai réussi à sortir de l'autobiographie quand même sur cet album. Mais ça sera une évolution là aussi. Hein. En plus des musiciens, du studio pro. L'autre chose, c'est que d'habitude, c'était on racontait tout à l'heure sur ta famille, les enfants, etc. Là, ça, t'as écrit des histoires. Ouais, là c'est beaucoup plus large, quoi. Ça parle pas de moi, quoi. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus large. Je suis content de sortir de cette autobiographie, voilà. Donc vous pouvez suivre les aventures de Grégory Paradisi avant la sortie de son prochain album, sur la page Facebook Grégory Paradisi et puis sur le site internet que je cite depuis le début, grégoryparadisi.wordpress.com. C'est long, hein, wordpress.com, mais j'ai pas voulu donner 25€ par mois pour avoir que Grégory Paradisi. Parce que forcément, si Grégory Paradisi, il faut vous donner 25€ par mois au site pour. Mais quand on tape juste Grégory Paradisi, c'est bon, hein, on tombe dessus. Il n'y a pas de souci. Sans se faire mal. Donc. Tu as évoqué quelque chose de très important. On va pouvoir demander à Eve et Lou. Elles ont un petit peu parlé de ça tout à l'heure, mais on n'a pas développé. On va le faire maintenant. On a 3-4 heures devant nous. Vous êtes prêts pour le marathon? Il faut battre le record de cette émission qui est de 4 heures. Hein. Ah mince. Ah, vous avez rendez-vous. Je te rappelle que je chante ce soir. Ah oui, c'est vrai. Puis moi, il faut que je prenne mon goûter. Ah oui. Ah. C'est l'éducation nationale, t'es goûté. Ouais, c'est très carré, très strict. Ouais. En ce qui concerne l'écriture, donc là tu viens de nous le dire, là toi, celle-ci a évolué. Pour toi Lou, on parlait de... Là c'est l'écriture sur le téléphone, hein, ce qu'on appelle le SMS. Non, je disais juste à quelqu'un de pas toucher à mes cookies parce que Eve m'a rappelé l'heure du goûter et puis il y a mes cookies qui m'attendent sagement chez moi. Et alors par rapport à ça, enfin l'écriture, hein, pas les cookies. est-ce que tu peux nous raconter un peu, Lou, l'atelier d'écriture, puisque toi tu es venu à Radio Gemozo par ce biais en participant à une émission pour représenter l'atelier auquel tu participais du côté du Tio. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur l'écriture, ton approche à celle-ci et l'atelier. Là aussi, ça peut donner envie à ceux qui voudraient écrire de se rendre dans des ateliers d'écriture. Encore une fois, l'histoire est très longue parce qu'elle n'a pas commencé aux ateliers d'écriture. J'écris depuis toute petite. En fait, j'ai participé à des concours de poésie. Ma maman aussi a participé à des concours de poésie. C'est vraiment une histoire qui remonte à très très très loin. Et quand je suis arrivée au Thio, parce que oui, j'ai quitté l'Alsace pour venir m'enterrer dans les Vosges, je cherchais une occupation, je cherchais un club, et puis, oh bah tiens, j'ai entendu parler de l'atelier d'écriture, parce que comme tous les jeunes de mon âge en soif de vie sociale, je suis allée à la médiathèque, youpi, et voilà, j'ai entendu parler de l'atelier d'écriture, et je me dis, bon bah au moins ça va t'occuper. Et je suis allée à l'atelier, en effet, et voilà, ça s'est bien passé, hein. C'est pas que je m'épanouissais plus ou moins, mais au moins ça me faisait un petit hobby, une petite activité, c'était quoi, une fois par mois, je sais même plus, ça fait très longtemps que j'y vais plus, c'est dommage, mais bon, la vie est ainsi faite. Et puis après, bon, ben j'ai atterri ici, en fait c'est quelque chose qui revient assez, c'est assez marrant, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'en ressens le besoin, quand j'ai du temps à tuer, ou quand je suis pas bien aussi, je suis dans des phases en fait, moi je fonctionne beaucoup par phases, j'ai des phases créatrices, et apparemment plus je suis dépressive au bord du suicide, bon... peut-être pas à ce point-là, mais plus je suis créative, et il y a des phases où quand je suis très épanouie dans mon travail, comme ce cas-là, j'ai passé presque un an sans dessiner, sans que ça me pose problème. Voilà, je suis à nouveau dans une phase. Je sais pas pourquoi, pourtant je déprime pas, je vais très bien, mais je suis dans une phase où j'ai à nouveau besoin de créer, d'écrire. C'est pas, enfin si, encore il y a des idées qui commencent à germer. D'ailleurs, ben, j'ai mon carnet sur moi, mon carnet à idées. Greg, vous avez donné des idées d'écriture sur Lou. Elle est en train d'écrire sur vous. Hein. Non, pas spécifiquement. Non, enfin, c'est des idées. Je me suis dit, il serait peut-être temps que je les note, sinon je suis encore capable de les oublier. Et je sais plus ce que je te disais. Et oui, non, il y a ces envies d'écriture. Et d'ailleurs, j'en ai profité de ce matin, comme tu m'as demandé de ramener des textes, j'en ai profité pour finir d'écrire un truc que j'avais pas fini depuis très longtemps, parce que je suis aussi la professionnelle des travaux inachevés. Tu vas nous le lire ? Oui, si tu veux. Ah ouais. Alors, parce que oui, le téléphone, bonjour, parce que je vais pas ramener l'ordi. Enfin bref, ça oui, c'est... Oui, t'as le texte sur ton téléphone. Oui, je me le suis envoyé, autant envoyé par mail. Voilà. Déjà, merci d'avoir emmené un texte. C'est vrai que je t'avais demandé, puisque je me souvenais la première fois que tu es venu ici et que tu as participé à cet atelier d'écriture, tu oui. en avais l'IA. Oui, j'en avais lu un que j'avais écrit pendant un atelier. Ça, c'est des textes à moi. En fait, j'en ai emmené trois, dont un, et les auditeurs qui m'ont peut-être écouté connaissent déjà. Je ne sais pas si c'est nécessaire de reparler de la grosse patate. Ça a marqué, hein, je vous le dis, la grosse patate, ça a marqué. Mais je pense que Greg et Eve, ils aimeraient bien savoir ce que c'est que la grosse patate. Bon, bah alors je vais vous le lire, c'est le plus court des trois et je crois que c'est le plus ancien. La terre est une grosse patate et ma tête une pastèque, pleine de vie, d'eau, de pépins, de conneries et d'asticots. Dure comme un tronc pourri, molle comme du béton. Bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dans ma caboche ? Bon appétit pour le goûter. Alors, est-ce qu'on en revient toujours à ça ? Est-ce qu'il faut expliquer un texte ou pas ? Est-ce qu'on donne des... Est-ce que chacun, bien sûr, le perçoit. Ouais, chacun l'interprète comme... Oui. Vous voulez pas savoir de détails sur les conditions de ce texte ? Ah bah si, ça peut être intéressant de savoir un peu. Ouais. Bah, tu veux en donner ou pas ? Oui, bah c'est pas compliqué en fait. J'étais en terminale, je rentrais de cours et j'avais extrêmement mal à la tête. Et ma tante a une expression quand elle a mal à la tête, elle dit j'ai la tête en pastèque. Ouais. Et je sais pas, il y avait une expression qui me trottait dans la tête. La terre est une grosse patate, et puis après j'ai fait lien, et puis je sais pas, c'est parti tout seul, c'est parti en couille en fait. Merci Tata. Oui, merci Tata Titou, si tu m'écoutes, même si bon, de loin, non. Et puis si ça se trouve, on en revient, d'ailleurs on pourra l'évoquer aussi avec Greg et Eve tout à l'heure, le côté exutoire que tu évoquais, si ça se trouve quand tu as pondu ce texte, ben t'avais plus mal à la tête. Je sais pas, oui, il y a peut-être un lien magique, j'ai pas trop réfléchi, après bah, Terminal ça fait 7 ans maintenant. Alors là, je peux vraiment pas te redire comment c'était. Tu nous lis le nouveau ? Ah oui, celui qui est tout fraîchement terminé. Enfin, j'espère. Hein. Peut-être que je le relirai dans quelques semaines et qui me conviendra toujours pas. Mais bon, celui-là, il est beaucoup plus long. C'est le plus long des trois. Imagine, tu es en ce moment même en train de lire un livre. C'est ce que tu es d'ailleurs en train de faire. Bon, ça se passe à la Renaissance, dans un très beau manoir du XVe siècle en Italie. Le soleil est bas, il fait chaud ce jour-là. C'est l'histoire d'Arthur qui bouquine, confortablement installé dans son fauteuil. il avale un récit d'aventure du Moyen-Âge. Les corbeaux s'envolent dans un croassement, une nuée de plumes témoigne de leur bref passage. Le tombé de ce rideau de plumes dévoile un bien sombre château perché au bord d'une falaise, au pic d'une montagne maudite. Le tonnerre gronde, les dieux sont en colère. Du haut du plus grand donjon du triste château, Mélusine survole un grimoire. Ses vieilles pages jaunies par le temps traitent d'un voyageur nommé Sindbad. La mer est calme, la nuit est fraîche, le ciel dégagé. La lumière de la lune inonde le pont où quelques rares marins profitent de la paix nocturne. La journée avait été compliquée, quelques jeunes voyageurs avaient été incommodés par la houle orientale, mais maintenant, l'océan dort. À la lueur d'une faible bougie, il déroule son parchemin grignoté par les mythes. Son rouleau est tout ce qu'il a de plus précieux. Sindbad connaît chaque ligne, chaque mot, chaque lettre dans ses moindres détails, et les quelques iconographies. Mais à chaque occasion, il l'étudie. Il ne s'en lasse pas. Ça raconte la légende d'une vaillante femme nommée Aurore. Nul ne sait où elle a vécu, ni à quelle époque. Ce qui est certain, d'après la légende, c'est qu'au cours d'une de ses explorations, elle arriva dans une prairie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire pour une prairie ordinaire, oui. Enfin, jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec un énorme monolithe noir. D'où venait-il? Comment était-il arrivé là? Elle ne le savait pas. La matière de ce monolithe ne ressemblait en rien de ce qui se faisait en ce monde, et cet alphabet non plus. Soudain, elle se sentit investie d'une mission pour ce monolithe et commença à l'analyser. Ah, tu t'en vas déjà? Mais avant d'interrompre brutalement ta lecture et de refermer le livre que tu tiens avec force et ennui entre tes mains, demande-toi qui entre Arthur, Mélusine, Sindbad ou tous les autres personnages de mon récit, moi, ton cher narrateur, ou encore toi, oui, toi, lecteur, mourra écrasé entre ces pages. Merci Lou. Mm-hmm. On est du côté des contes et légendes. Ah ah. Non, j'en ai déjà parlé à l'antenne, il y a un auteur que j'aime plus que tout au monde, et voilà. On n'en saura pas plus, en tout cas, je ne sais pas si Greg et Eve ont envie de dire quelque chose sur cette écoute. Vous étiez bien attentif, hein, jusqu'à que tu te prennes un coup de jus. Elle a une voix. En plus, elle a une voix très, très radiogénique. Ah ben, faudrait que... Et encore, bon... Pas radiogénique, comment on dit? Oui, radiophonique. Radio... Oui. Non, mais on dit photogénique ou... Ouais. Donc radiogénique, ça se dit. Mais tu sais, en plus, on en revient au sens. C'est-à-dire que là, nous, qui sommes en studio, chers auditeurs, nous voyons Lou. Donc forcément, on est aussi... Enfin, nos sens sont éparpillés, je dirais. Alors que ceux qui écoutent seulement, la voix est encore plus présente. Oui. N'est-ce pas ? Tu dois d'autant mieux apprécier. Bah, j'ai bien aimé la chute, j'ai bien aimé ton second récit. Mais... Merci. Et surtout, si je me souviens bien, avec toi, Lou, Eve parlait de chute, c'est enfin ta spécialité. En tout cas, je me rappelle d'un texte sur la mise en abîme. Oui. C'est un texte sur la mise en abîme. C'est bien ce qui me semblait. Et en parlant de chute, le troisième aussi a une certaine chute. Ta-ta-ta teasing. Si, je sais pas si tu veux que je lise maintenant ou plus tard ou jamais. Est-ce qu'on est parti pour écouter tout de suite un autre texte ou un peu plus tard? Oui! Bon, par contre, c'est mon troisième et dernier. Que j'ai sur moi. Mais enfin, que j'ai aussi écrit et dont je suis à peu près satisfaite. D'ailleurs, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est bien d'aimer ce qu'on fait. Surtout que connaissant Lou, et je pense que c'est votre cas aussi, c'est pas une évidence. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a la pas sec. C'est dur d'aimer, c'est très dur d'apprécier ce qu'on fait. Donc quand ça arrive, faut l'apprécier. Ouais. Ça veut dire qu'on est raccord aussi. Si on est satisfait. Malheureusement, avec le temps, on aime plus on le lit, on dit putain, je peux mieux faire maintenant. Bon, on évolue. On se reconnaît plus forcément. Allez, je me lance. C'est la fin de tout. De la vie, de la mort, de l'amour. Ou presque. Tous sont rassemblés en un jour bien spécial. Ils font le deuil. De la mort de qui? Oh, ils ne savent pas forcément. Ils sont venus par amour, symboliquement, pour témoigner d'un failli bout de sympathie. Au fond, savent-ils vraiment qui était cette personne? C'était une femme, non? Avec les cheveux longs. Non, courts et bruns. Enfin, j'en sais rien. Mort de quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Ça fait partie de la vie, c'est tout. Oh, que cette cérémonie est belle. Il y a des fleurs, des chants, des pleurs. Le cercueil. Quel cercueil? Ah oui, il est peut-être caché sous les gerbes de fleurs. Dans un ultime discours relatant la vie à présent achevée, tous rient, tous pleurent. Ils pensent mieux la connaître. Ils pensent l'avoir vraiment connue. Dieu que c'est beau. On dirait que ça me touche. Et toi? Toi, tu pleures. Sans même savoir pourquoi. Bravo Lou, merci. Bravo. Ah, tu nous as emmenés ailleurs, là. Je sais pas vous, mais moi, j'ai des parties. Et, bah, c'est pareil si vous avez envie de dire quelque chose. Moi, je pleure. C'est chouette. Ah bah, voilà, oui, bah, ça fait pleurer, bravo. En tout cas, moi, ce que je compte dire, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que, parce que tout à l'heure, on parlait, hein, Greg, c'est vrai que, de toute façon, tout texte, généralement, que ce soit les textes de chansons pour vous, ou les textes littéraires, on va les percevoir selon un moment, selon notre personnalité. Mais, là, Lou, ce qu'il y a de bien, c'est que, elle nous interpelle vraiment, quoi. Elle vient nous chercher, justement, c'est le cas de le dire. C'est que finalement la perception, là tu viens vraiment nous cueillir, tu nous amènes avec toi, tu viens, comme je disais, nous chercher, t'interpelles l'auditeur. En tout cas, avec ces deux derniers textes, oui. Oh là là, elle pleure. Oh, j'ai un peu mal là, j'ai peur de l'avoir rendue triste. Non, non, pas du tout. Ben les larmes, c'est pas forcément que de la tristesse. En tout cas, on en revient aussi à ce qu'on disait quand je parlais d'exutoire dans l'écriture. Je sais pas si bon Lou, on a compris que c'était le cas. Est-ce que pour toi, Eve et Greg, est-ce que vous écrivez comme ça, c'est-à-dire justement dans des moments où il y a besoin d'évacuer, on peut transformer ça en quelque chose de positif, par exemple œuvre d'art, texte, chanson. Bah moi pas trop, parce que par exemple sur le futur EP là, j'ai retrouvé l'essentiel là, et une autre où je me suis mis à sur mon bureau sans savoir ce que j'allais écrire, en fait, vraiment. Donc pas forcément un besoin vraiment d'écrire, quoi. T'es parti de rien. Donc je suis parti de rien, quoi, mais c'est souvent comme ça, moi. Faut que je me mette, j'ai pas forcément d'inspiration sur le moment, et je me dis, ben ouais, tu veux faire un disque, mets-toi au boulot, quoi. Donc voilà. Et mais c'est quand même fou ça, quand tout à l'heure je parlais, je ne sais plus pourquoi, de ne pas intellectualiser. Là, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que tu t'es mis devant la feuille blanche et tu t'es pas donné de thème, rien du tout. Et c'est quand même pas ton stylo qui est écrit tout seul. Hein, bah, tu vas pas nous faire croire ça. Bah non, non. Bah il y a forcément quelque chose au fond de moi, mais tu l'as pas réfléchi. Ben non, non, non. Alors après, je commence à jouer un petit peu de la guitare. Je dis tiens, ça c'est assez joli. Qu'est-ce qui pourrait aller là-dessus. Puis je pars d'une phrase. C'est marrant. Je pars des fois, il faut la première phrase pour... Et c'est elle qui va guider, que ce soit la première phrase ou la mélodie? Ouais, plus la première phrase. Je trouve une première phrase et puis après le reste découle de cette première phrase un peu. Comme une pelote, après le film se déroule. Ouais, c'est un peu particulier. Mais il y a une chanson du coup qui parle de ça, s'appelle sur cette EP, ça s'appelle Leucozélophobie. Qui est la peur de la page blanche, enfin, de l'artiste, du musicien, du compositeur, de l'écrivain. Et la chanson, j'ai une chanson qui parle de ça, du coup, parce que j'avais pas d'inspiration. Je parle de ça. Encore une fois, quand je parlais de s'adapter, de finalement retourner ce qui peut être une faiblesse, en faire quelque chose, de constructif, là, de la peur de la page blanche, t'en fais une chanson, et puis voilà, c'est réglé. Mais bon. Il n'y en aura qu'une, hein, c'est un problème. Hein, enfin, je vais pas en faire. Moi aussi, j'interpelle, toi qui nous écoutes. Oh, je te vois derrière ton poste. Si, si, si, si, si. Big Brother, I'm watching you. Parce que tu voudrais que Greg joue cette chanson, mais non. Greg a dit, je ne jouerai qu'un titre du prochain album. Oui. Il l'a dit, Greg, avant l'émission. C'est un contrat qu'il a signé avec moi. Je ne peux pas lui faire jouer cette chanson. Je vais pas tout dévoiler. C'est dommage. Donc, si vous voulez l'entendre, ce morceau, que peut-être vous aussi, ça vous dit quelque chose, vous pensez trouver des solutions à vos problèmes de peur de page blanche, ah ben, vous achèterez l'album Retrouver l'essentiel, apparaître au mois de mars. Vous pourrez facilement l'acheter. Si vous n'allez pas voir Grégory Paradisi en concert, ah ben, ça sera sur le site internet. Ça sera aussi possible, comme c'était le cas et comme c'est toujours le cas pour Le Parfum des Souvenirs. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Pour toi, l'écriture, Eve, parce que tu le disais, tu n'écris pas de chansons. En tout cas, t'avais écrit des poèmes étant plus jeune. Oui. C'était déjà... Est-ce qu'il y avait ce côté exutoire ou c'était pour d'autres raisons? Ah oui, je pense que c'était ponctuel et c'était carrément exutoire, oui. En plus, c'était relatif à l'amour, donc ça devait être un besoin et un réel ressenti. Mais j'aimerais bien écrire et composer, mais j'en ai vraiment pas... le temps, ou alors ça fait pas partie de mes priorités, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, oui. Et pas partie des priorités pour l'instant, parce qu'on en revient aussi au parcours qui fait que tout est une histoire de moment. On parlait tout à l'heure d'opportunités, et peut-être qu'il y a un moment où finalement ça va être le cas, peut-être l'émulation avec Greg au moment où vous allez vous dire bon, on va sortir un album avec le duo Sorbet Citron, et peut-être que là, quand tu vas te pencher dessus... Oui, ça pourrait. Tu n'écris plus du tout? Non, j'écris pas. Non, vraiment pas. Lou, j'aimerais bien que, justement, là aussi, hein, pour ceux qui voudraient se mettre à l'écriture, qui ont peur, et ça c'est souvent le cas, on entend de la page blanche, l'atelier d'écriture peut être une bonne solution pour commencer, pour ses premiers pas dans l'écriture. Et donc, dis-nous ce que t'en penses, et après, dis-nous comment ça s'est passé, toi, comment ça se passe. Alors, tous les ateliers d'écriture ne sont pas identiques, mais toi ou Thio, comment c'était? C'était compliqué. Bon, j'en ai déjà parlé honnêtement à Maggie. Ces ateliers ne me parlaient pas plus que ça, ne me correspondaient pas plus que ça. Oui. Parce qu'elle était très cadrée. Après, je réussissais à temporiser entre moi ce que je voulais et ce qu'elle voulait, et on trouvait un compromis. Je sais qu'il y a d'autres ateliers où on te donne un thème et puis vas-y, c'est comme maman oiseau qui pousse l'oisillon à sortir du nid. Et vole et démarre de toi. Je sais pas, il y a plein de personnes différentes, il y a plein de manières d'aborder les choses différemment. Il y a plein de, enfin voilà, c'est différent. Après, c'est stimulant d'être avec plein de personnes, même si chacun voit midi à sa porte ou non. Je me suis un petit peu perdue dans mes pensées comme d'habitude. Tu parlais un petit peu de comment se passait l'atelier d'écriture. Après, ça se passait bien en soi. Les textes que j'ai écrits, mis à part celui que j'ai lu dans l'émission où je suis venue avec toi, je crois que c'était le 8 avril 2016, quelque chose comme ça. Ah, la si précision. T'as vu, je me souviens très bien. C'était marquant, hein. C'était un moment marquant. Et mis à part ça, j'ai pas l'impression d'avoir sorti des textes qui cassaient trois pattes à un canard. Après, comme je le disais, t'entends ce que les autres écrivent, tu peux t'inspirer, t'es stimulé, t'es au moins dans un cadre, parce que moi, je suis quelqu'un qui parfois a besoin d'un cadre. Parfois, j'ai besoin de faire ma vie, parfois, c'est très compliqué. Mais la vie est compliquée pour tout le monde. Après, est-ce que les ateliers d'écriture, c'est une bonne chose? Oui. Si vous hésitez à y aller, allez-y. Vous verrez, vous vous ferez votre idée. Et advienne que pourra, hein, prenez ce qu'il y a à prendre. Je vais juste donner mon expérience aussi, puisque j'ai participé à quelques ateliers il y a de nombreuses années, ceux de Philippe Vallet. On peut citer l'association La Langue de Travers, oui. Cher aussi, en plus de Philippe, à Stéphane Elie. L'idée, c'est de partir sur un réservoir de mots pour chacun. C'est-à-dire, pour ne pas commencer sur une page blanche, tous les participants vont avoir le droit à un même réservoir de mots que chacun aura choisi. Alors, il sera le même pour tous, mais après, chacun aura participé à sa confection, notamment en allant chercher dans des livres ou autres. Et après, en ce qui concerne ceux auxquels j'ai participé, on faisait une grande fresque, on marquait les mots dessus. Et de par ces mots clés, ces mots de base, chacun écrivait un texte. Alors, ce que je trouvais être... Alors, c'était bien pour, justement, ne pas partir de zéro. Ce que je trouvais être un inconvénient, c'est qu'après, quand les participants lisaient leur texte, on retrouvait forcément des textes qui pouvaient se ressembler, en tout cas, comme il y avait les mêmes mots. Oui. C'était ça que je trouvais un peu Ah, dommage, je dirais pas ça, parce que au moins c'est briser aussi le fait de se dire l'écriture c'est pas pour moi, notamment par rapport aux fautes. Des fois, je sais qu'il y en a qui hésitent beaucoup par rapport à ça. Ben l'atelier d'écriture c'est pour briser ces tabous et dire tout le monde peut écrire. Faut pas se mettre de barrières, faut y aller parce que ça peut faire énormément de bien aussi. Tout comme la musique, l'art en général, hein, je parlais d'exutoire, d'ailleurs, hein, c'est, ça soigne, hein, la musicothérapie, etc. Enfin, chacun peut aussi y trouver son compte dedans. Par rapport toujours à l'écriture et à ce que disait Lou tout à l'heure, que je trouve aussi très important, vous en tant qu'artiste, mais c'est valable, je pense, pour tout le monde, ce que faisait Lou, c'est-à-dire noter ses idées. Des fois, il y a tellement de choses qui nous passent en tête, on peut avoir des bonnes idées qui peuvent... créer pour un artiste, mais même débloquer des situations, tout, et on les laisse filer. Ayez un petit carnet sur vous, votre téléphone, ou enregistrez. C'est dommage parfois de laisser filer. Là aussi, quand on parlait de déclic tout à l'heure pour les changements de vie ou tout ça, le déclic, ça peut être une idée, et faut pas la laisser filer. Ouais. Mais je fais jamais ça. Bah. Ah bah voilà. Il y a des chansons qui sont de Grégory Paradisi. Je sais pas. Oui. Qui sont passées, tu les as laissées s'enfuir. Elles reviendront. Si t'as des bonnes idées, elles reviendront. ça serait bien si vous le voulez, parce que Eve, je crois que t'as les doigts qui s'impatientent, puis aussi les cordes vocales là, parce non, que non, j'ai mal aux fesses. Ah oui, bah mets-toi debout. Ça fait longtemps qu'on est assis. Est-ce que vous pourriez nous jouer un titre du duo Sorbet Citron? Non. Ah non. Maybe. Je t'avais dit, elle est antipathique. ça serait plutôt un titre français ou anglo-saxon? Chipot. Est-ce que l'endroit, parce que justement, par rapport aux endroits où vous jouez, vous adaptez votre répertoire, vous disiez une quarantaine de chansons, à peu près? Oui. Bah, en général, on le joue quasiment en entier, mais on peut aussi adapter la façon de l'interpréter. Piano plutôt doux, ou il y a des cas où on peut envoyer un peu plus. Selon le lieu, selon aussi la réception par le public. Ah oui, complètement. Est-ce que là, le lieu vous évoque, je ne sais pas, une façon de jouer, on va le voir, mais déjà un morceau à interpréter. Le studio de Radio Gemozo est-il propice à. Plutôt quelque chose de soft, parce que j'ai l'impression que souvent ça grésille quand je... Ah ça c'est le retour, ne t'inquiète pas, tu verras. Non, oui, moi aussi dans mon casque. Oui, bon, les casques, les retours, okay. Et puis bon... Mais c'est la saturation aussi, non? Là, il n'y a pas de saturation. Hein. Bon, tant mieux, je suis rassurée. C'est vrai que là, j'ai pas la pré-écoute sous les yeux. Mais bon, on va pas parler technique, mais c'est vrai qu'ici, on a toujours un petit problème de fond sonore qu'on rétablit ensuite pour le podcast que vous pourrez retrouver sur le site radiogamozo.eu ainsi que la page Facebook. Alors, on a choisi, mais il faut... Ah, c'est les conciliabules. Ça y est, nous y sommes. Les, parce que c'est au pluriel. Vous êtes mis d'accord? Comment? Vous êtes mis d'accord sur une chanson? On se fâchera après, mais... Oui, mais comme il faut que je m'accorde... Faut que tu t'accordes. Ah oui, c'est embêtant. Oui. Allez, on passe à la suivante. Oui. Au suivant, comme dirait le grand Jacques. Ouais. On va vous faire une chanson dynamique. Ah! Ouais. Allez, je me lève. Et Attention, ça rigole plus. Qui est aussi démonstratif de la variété de... du répertoire. Duo. Oui, parce que je parlais de cool, parce que quand on pense duo acoustique, guitare sèche, on se dit à la cool, mais on l'a vu tout à l'heure même, ça peut être rock'n'roll. Oui. On va encore le remarquer maintenant. Là, ce sera pas rock'n'roll, mais... Ça va quand même bouger. C'est une langue différente de celle de l'anglais et du français. Je sais, mais justement, c'était mes prochaines questions. La langue espagnole, Eve. Si. C'est ça, hein. Je crois que c'est un patois italien. Ah, mince. Parce que je le sais que tu chantes en espagnol. Non? J'ai vu ça sur internet. Qui a dit ça? Je sais pas. Chanter et puis on en parlera après des langues étrangères. Porta casu negun uste marete Nagu pule la cavissiera izzata Passage campaniano petulete Come da guapo pe se fa guarda Tuo fa l'americano, americano, americano Sienta me chi do fa fa Tuo i vera ramora Ma se bevi whisky and soda Pote siente disturba Tua ballo rock and roll Tu ciò che avesco Messo volte perché a me chi te li dà la borsetta di mamma tu vuoi fare l'americano americano americano ma si la dignità di sienta me non c'è da niente fa poche napolitane tu vuoi fare l'americano tu vuoi fare l'americano come te può capi chi te può bene si tu le parli miezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come te venne i capelli I love you tu vuoi fare l'americano americano americano si a me chi lo fa fa tu i verrà la moda ma se bevi whisky and soda potresti sente disturba tu ballo rock and roll tu giochi a baseball hai soldi per camel chi te li dà la borsetta di mamma tu vuoi fare l'americano americano americano passi la nidità di sienta me non c'è sta niente a fa oh che napolitano tu vuoi fare l'americano tu vuoi fare l'americano fa l'americano, americano, americano, senta me chi lo fa fa, tu i verrà la moda, ma se bevi whisky e soda, potresti sente disturba, tu ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per camel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Si la nidità di sienta me non c'è sta niente a fa o che napolitano tu vuoi fare l'americano tu vuoi fare l'americano hey, hey. Merci merci Eve et Greg du duo Sorbet Citron et là aussi on pourrait faire un atelier d'écriture suite à ça hein, puisque j'ai noté les mots clés whisky rock'n'roll I love you americano c'est tout soda. Ce que j'ai retenu soda aussi ouais soda mais j'en voulais pas du soda En tout cas, on le disait, c'était bien péchu, ça y allait, là. Ça envoie du gros, hein. On bougeait, nous, dans le studio. Oui, oui, oui. Elle dansait sur la table, incroyable. Nu. Et si vous avez envie d'en entendre plus, eh bien, vous pourrez aller voir le duo Sorbet Citron en concert. On va rappeler les dates, et surtout, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur la page Facebook, vous tapez Sorbet Citron Groupe Musique, si vous voulez. Groupe concert. Groupe concert, oui. Je crois. Et vous tomberez dessus. Vous reconnaîtrez Eve et Greg. Vous les connaîtrez si vous ne les avez pas encore vus. Et vous pourrez les suivre en attendant peut-être plus tard dans l'évolution, puisque ce duo débute depuis quelques mois, juste avant l'été. C'était pile poil pour ce Sorbet Citron qui est arrivé près de chez vous pour l'été. Ça tombait bien. Et on peut rappeler les dates. Donc le 21, c'est à Jérémy et la Bodegas. Oui. C'est ça. Le 27, c'est à la Bresse. Oui. Au Valais. L'hôtel des Valais. Oui. Bar de l'hôtel. Ouais. Le 4 janvier, de nouveau, à la Bodegas, à Jérémy. Et le 1er février, au casino de Jérémy. Au restaurant du casino. Merci bien. Et en tout cas, on espère... Hein. Ce n'est pas fini, hein, mais je le dis déjà. Vous retrouvez pour ici dans ce studio pour l'évolution de ce projet, et puis peut-être toi, Eve, avec le groupe Last Time. Il y a de la place pour. Ouais, ça sera compliqué pour le direct, parce que ça sera bien rock'n'roll. Hein, tu disais, c'est un groupe qui envoie. Bah oui, oui. Puis c'est. Enfin oui, faut sonoriser, mais avec plaisir. Hein. Avec. Bah il y a pas. Non, il y a pas d'album, donc on pourra pas passer. Non. Les extraits d'album. Vous enregistrez pas du tout. C'est des reprises. Vous les enregistrez pas pour avoir sur un support. Sur mon téléphone. Ah. pour ce qui concerne aussi tiens, un petit peu de géographie, puisque Lou évoquait l'Alsace où tu as vécu, je crois que toi, Eve, dans ta formation, puisqu'on parlait tout à l'heure notamment de la gratte, c'était à Strasbourg, c'est à Strasbourg que tu as appris ? Les cours de guitare ? Oui. Non, c'était avec Michel Hans, ici. Mais par contre, tu as vécu à Strasbourg ? Oui, j'ai fait mes études à Strasbourg. Donc ça... j'y ai vécu 4 ans. Et artistiquement Eh ben là, j'ai participé, j'ai fait partie d'une troupe de comédie musicale pendant 3 ans. Amateur, mais on a donné 3 spectacles différents. Cléopâtre, l'hypochondriaque, enfin c'était déjà d'un bon niveau et... Eh ben c'était ça que j'avais pas encore évoqué, que j'avais noté. Il y avait 2 termes. Déjà, juste après la chanson, j'avais dit qu'on en parlerait, mais non, j'ai zappé, les langues étrangères et les comédies musicales. On peut faire un thème des deux. Les comédies musicales en langue étrangère. Non, c'était pas le cas. Mais, juste, ben, oui, moi j'avais... Donc tu chantes pas en espagnol, c'était faux ça? C'était le titre là, comme on disait, c'est traditionnel, oui, italien. Oui, après, je ne sais plus. Enfin, si j'ai peut-être chanté en espagnol avec le pianiste, mais non, c'était encore italien. C'était Wonderful de mince. Ça me revient pas. Espagnol, je ne sais pas, ça me dit rien. On va pas t'entendre en espagnol maintenant. Non. Alors, comme c'était l'instant langue étrangère, moi j'aimerais qu'on écoute un peu Lou en allemand, puisque on le disait tout à l'heure. Là, je parlais d'Alsace. Et, quand tu habitais en Alsace, tu as fait tes études, puisque c'était à la frontière, hein, c'est ça? Oui, moi je suis du côté de Fessenheim, mais ma maman est prof d'allemand, alors c'est complètement biaisé. Mais ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a un texte? Est-ce que tu connais un texte, comme tout à l'heure, on était dans la poésie, dans l'écriture, en allemand, des classiques? Rammstein. Tu peux pas nous faire entendre un peu d'allemand là? Je connais pas. Si il y a d'un coup le texte de Heinrich Heine, la Lorelei, que je connais. Tu veux quoi? Mais tu juste veux pour que... entendre un peu la tu langue veux que je allemande. Parle oui, parce que on a entendu un peu d'italien. Bon, moi qui pensais avoir un peu d'espagnol, bah non, je peux toujours aller voir ailleurs. Je vais juste trouver le texte si tu veux bien vite fait sur internet, parce que je connais que les premiers vers. En attendant que tu cherches le texte, on va parler des comédies musicales, parce que ça, j'imagine, c'est une sacrée expérience pour toi, Ève. Oui. Déjà, en plus de la chanson chantée, il y a l'interprétation. C'est du théâtre, la comédie oui, musicale, oui. C'est du théâtre et du chant. Il y a une part de comédie, oui. T'avais des formations théâtrales avant? Non, pas du tout. Bah, c'était une troupe amateur, hein. Mais on avait des danseurs, on avait des choristes et la personne qui a écrit la pièce, avait un très grand talent. Il écrivait les musiques également, les chansons. Enfin, mais après, c'est resté. C'est resté au niveau de Strasbourg, mais c'était une belle expérience et humainement aussi très très belle expérience. Mais quand même, Strasbourg, c'est pas rien. C'est pas rien, je veux dire. Oui, on a fait des salles à Strasbourg. Puis surtout, une comédie musicale originale, hein, de ce que ouais. Tu dis. Donc c'était écrit par une personne, après vous l'avez interprété. C'était pas de la copie, entre guillemets, enfin de l'interprétation d'une œuvre d'autre. Et il y a des salles que tu veux nous évoquer, parce que je sais qu'à Strasbourg, il y en a pas mal des sympas, des salles plutôt indépendantes. Bon, là, c'est déjà grosse salle, la laiterie. Vous avez pas joué à la laiterie? Non, non. Le Molodoy? C'est des noms qui me sont très familiers, mais je t'avoue que c'était il y a 16 ans et j'ai pas retenu le nom des salles. Ça te sert encore aujourd'hui cette expérience? Est-ce que dans, par exemple, ton duo avec Greg, ça peut servir ou pas? Non, vous êtes assis, hein, pour. Oui, oui. Non, sur scène, je suis pas forcément non plus hyper à l'aise, mais là, il fallait jouer un rôle, donc c'est encore différent. Alors que sur scène, on reste quand même soi-même. Enfin, ça, je sais pas si ça m'a apporté, si sûrement. Le plus on fait de scène, mieux ça va. Mais Greg, t'es pas trop dans l'expressivité, toi, sur scène. Dans l'interprétation de chansons, en tout cas, t'en fais pas des caisses. De toute façon, on peut pas trop. Une guitare dans les mains et le micro devant la bouche, on peut pas faire grand-chose de très expressif, si ce n'est, bien sûr, dans la façon d'interpréter la chanson. Dans l'intonation plus que par le corps. Dans l'intention même. Oui. Oui, tu sais, ouais, il le fait bien. Oui. Donc, toi aussi, est-ce que tu as eu des expériences théâtrales? Ça m'aurait fait du bien. Ouais, ça m'aurait fait du bien, mais non, pas du tout, malheureusement. Est-ce que vous avez... J'aurais été beaucoup plus à l'aise. Envie d'entendre une interprétation en allemand? Oui. Oui. Ja. Alors j'hésite beaucoup à la chanter parce que oh, oui. Finalement je connais mais je suis très rouillée. Ça fait longtemps que, enfin, je chante pas beaucoup et je m'entends très peu. Mais... Ah, c'est Rammstein du coup. Non, c'est pas Rammstein, tu déconnes. Ah non non non non, tu m'avais parlé de la Lorelei de Heinrich Heine. Bah oui. Alors poème qui date de 1822. Mais ça chante. Oui, ça se chante. C'est pour ça que je te l'ai dit. Ouais. Il a été, je sais plus par qui. C'est compliqué. Bon, merci la fac d'allemand. Parce que j'ai fait une fac d'allemand aussi. Hey yo. Bon. Lorelei, nous, on connaît Hubert Félix Stephen. Oui. Il y a un titre. Oui, oui. Mais c'est pas ça. Bon. on écoute Lou. Ich weiß nicht, was alles bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Merci Lou. Ah, bah je l'ai eu, mon petit moment lyrique. Ah non, vraiment... c'était pas la voix d'opéra, ça. Ah ouais, mais bon, c'était un peu... Ça s'en rapprochait. Lyrique, quand même. Ouais, voilà, en plus, en allemand. Merci beaucoup, Lou. Mais de rien. Je pense qu'on ne battra pas le record de hors format aujourd'hui. On va pas tarder à se quitter. Je crois que vous avez des rendez-vous les uns les autres. Mais pour finir, et ça, je pense, conclut bien. Bon, on rappellera les contacts, bien sûr. Les influences, parce que tout à l'heure, Greg, tu nous parlais de Calogero, par exemple, et la difficulté, parce que tous autour de cette table, vous nourrissez de culture, vous êtes influencés d'une manière ou d'une autre. Déjà, est-ce que vous pouvez chacun nous citer quelques références? Et puis ensuite, il y a toujours une deuxième question, et souvent on s'en rappelle pas, je sais pas pourquoi je la pose, je devrais attendre, mais non, je vais quand même la poser. Et est-ce que vous arrivez, et comment faites-vous pour vous en démarquer, comme tu disais tout à l'heure, pour une chanson, Greg, de Calogero, sans finalement sortir de ça? C'est dur de s'en démarquer. Influence. Ouais, influence d'abord. Référence. Oui, tu vois, je voulais. moi, je suis très Goldman au départ. Ça s'entend, justement, ceux qui iront voir sur ton site, et ça faisait partie des choses que je voulais dire, ça aurait pu être une reprise qui aurait été chantée ce soir. Non, vous irez voir, et entendre et regarder la vidéo de Natacha sur le site de Grégory Paradisi, oui. WordPress.com, et vous verrez, moi c'est ça, depuis que je te connais, Greg, qui m'a marqué, je me disais, sur certains titres, et encore plus quand tu reprends Goldman, mais c'est Goldman, sors de ce corps, Jean-Jacques. Non, tu n'as pas pris ta retraite, tu es là, on dans ce petit corps de Grégory Paradisi. Quand je chante par exemple, de Goldman, on me dit, ouais, croirait Goldman qui chante. Bon, c'est un compliment. Non, mais sinon, Goldman, Cabrel, Calogero, plus dernièrement, et pour s'en démarquer, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'instinctivement, on a envie de jouer les choses qu'on trouve bien, quoi. Donc, c'est super dur, quoi. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir reprendre. Tout en plus, la difficulté pour toi, c'est que tu fais les deux, c'est-à-dire que tu les reprends, ces chansons. Oui. Et après, tu as tes propres compos. Donc, est-ce que tu as des astuces pour en sortir? Par exemple, si tu veux peut-être nous donner l'exemple concret avec cette chanson sur le prochain album, comment as-tu fait, peut-être grâce aux musiciens, pour te démarquer de Calogero alors que ça s'en rapprochait? Bah après c'est plus au niveau de la façon de jouer les instruments, quoi, qui après au niveau de la mélodie c'est sûr que on peut voir le lien. Après, pour essayer de s'éloigner un peu de l'influence, c'est plus peut-être dans l'arrangement musical qu'il faut travailler, quoi, voilà. Après, en montage, ouais, au studio, ouais. Derrière, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à forcément à jouer les choses qu'on aime jouer, qui nous font waouh, on se dit waouh, c'est bien, bah ouais, c'est bien, normal, c'est la même chose que ce qu'on aime. Donc pour moi c'est super difficile de me démarquer, Ouais. Puis on en revient au fait que nous sommes des éponges, du coup, et ouais. Le risque, c'est qu'on t'en sait plus. Tu crois que c'est quelque chose de nouveau, et puis finalement, tu as copié sans faire exprès. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, faut faire très, très attention, quoi. Eve? Mais je compose pas, moi, donc, mais alors, j'ai pas ce souci. Juste des influences ou références des artistes importants pour toi. Malheureusement, non, j'en ai pas à citer parce que j'ai vraiment des goûts variés et la liste serait trop longue. J'ai pas ni de style musical préféré, donc je peux trouver des choses qui me plaisent chez des chanteurs variés ou dans des styles musicaux variés. Donc non, j'ai pas de référence à citer. Il aurait fallu que j'y réfléchisse un peu plus longuement. Et dans les autres arts, littérature, peinture, vous avez des références plutôt pas. Non, je sais pas. Non, c'est pareil, malheureusement, j'aime pas le dire, mais je lis pas vraiment pas beaucoup. Donc non. Pas de grande connaissance dans ce domaine, donc pas de référence, pas d'influence. Lou. Alors pour ceux qui l'avaient pas saisi, du moins dans les deux petites nouvelles que j'ai écrites, je suis très inspirée par Kafka, que j'aime énormément. Franz Kafka, ben, comme ça vous situez, qui a fait La Métamorphose. Je pense que tout le monde le connaît sans l'avoir lu. Je crois que c'était Georg qui du jour au lendemain s'est transformé en cafard. Ah non, toujours pas ? Non. Bon, c'est pas grave. Au niveau de la littérature, c'est beaucoup ça. Éric Emmanuel Schmitt, surtout son cycle de l'invisible, je les ai pas tous lus, mais j'aime beaucoup les principes philosophiques qu'il aborde. Enfin, le problème avec moi, parce qu'on en a pas trop parlé, t'en as parlé un petit peu en introduction, c'est que moi j'ai tendance à m'éparpiller. Je dessine, je peins, je chante, je commence la guitare, je danse, je fais plein de trucs, et le problème c'est que je me spécialise nulle part. Mais oui, en littérature, c'est énormément Kafka, beaucoup de philo. Même si j'ai plus le temps d'apprendre, de lire plus beaucoup, mais c'est beaucoup ça. Et en peinture, j'aime beaucoup les couleurs de Claude Monet. D'ailleurs, quand je peins, du moins d'habitude, j'aime beaucoup m'amuser avec les couleurs, même si je sais qu'il faut encore que je progresse. Mais je pense qu'on est tous au stade... Mais je vous ai pas montré ce que je fais, alors c'est pas grave. Et Klimt, Gustav Klimt, que l'amour de ma vie aussi. Ah oui, et forcément, en musique, Freddie Mercury. Faut le citer. Tu prends toutes ces références, tu les mets ensemble. Ce que tu dis, c'est un problème de s'éparpiller, mais en même temps, la beauté dans l'art, c'est quand les gens mélangent tout ce qu'ils aiment et puis en font une œuvre unique. Je veux dire, il y a moyen de mélanger les médiums et puis plutôt que. Oui, que mais là, j'en fais pas une œuvre unique. C'est que on a parlé de mon carnet, mais en fait, dans mon carnet, j'ai des projets photos, j'ai des projets peintures, j'ai des projets architecture, j'ai des projets écriture. J'ai plein de trucs dans tous les sens. Ce qui tu peut peux être les mélanger. Oui et non, parce que ça va peut-être pas forcément ensemble, mais c'est un petit peu, du moins en ce qui me concerne, c'est problématique parce que je m'éparpille peut-être un petit peu trop et je sais qu'on m'a déjà fait le reproche de pas être très cohérente. Après, je sais que je suis pas quelqu'un de cohérent de base, mais après je commence à me dire tu sais quoi, je m'en fous si j'ai envie de peindre ça aujourd'hui et si j'ai envie de chanter ça demain, et ça me fait plaisir, alors balèque. Alors c'est ça, non, c'est pas la liberté et de se faire plaisir. Oui. Et alors, sur Internet, c'est pas possible de voir tes peintures, tes écrits? Et non. Si à ceux qui ont l'immense chance d'être amis avec moi sur Facebook, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'avais écrit des articles, on appelait ça des articles, mais j'avais déjà fait quelques nouvelles, dont une sur la dépression. Et sinon, si j'affiche un petit peu mes peintures sur mon Facebook, mes privés, mon Instagram qui aussi est privé parce que c'est mes comptes à moi, hein, j'affiche un petit peu ma petite vie quand je pars en vacances, quand j'ai envie de parler de mon gros bébé lapin, enfin voilà, je laisse pas n'importe qui accéder à ma vie privée. Ah, tu parles. Non, il montre le lapin, le sac. Ah oui, le sac à dos lapin, c'est vrai que. C'est facile, le bébé lapin. Oui, c'est vrai que j'ai une dégaine pas possible. Les gens me regardent bizarrement dans la rue, mais je m'en fous. Lou, pourquoi pas créer justement un compte où tu mettrais tout ce que tu crées sur ces différents supports? Ça pourrait être une idée. Eh bien, on verra. Je ne sais pas, j'en suis pas encore là, mais ça va venir par vague. Et puis, si l'envie vient, ça vient. Et puis, au Brame des Arts, j'imagine, en mai prochain, on pourra certainement voir tes œuvres. Tu seras encore pour la prochaine édition? Eh bien, normalement, oui. À moins que j'ai d'autres plans pour le mois de mai. Ça dépend de la date à laquelle ça tombera, mais... Ça vous concerne pas trop. Mais oui, normalement, je serai là. Au Centre culturel Gilbert Zog, quoi qu'il en soit, il y aura une troisième édition du Brame des Arts Donc, comme je le disais en début d'émission... Si tout va bien, oui, on n'a pas encore eu les infos de la mission locale, mais ils sont partis, du moins après la fin de la deuxième édition, ils voulaient quand même en faire une troisième. Une expo d'art consacré surtout au moins de 25 ans, mais il y a quand même d'autres, des personnes plus âgées présentes. On n'aura pas évoqué la peinture finalement. Non, pas des masses. Et puis quand tu parles de moins de 25 ans, je te rappelle que maintenant je suis passée de l'autre côté de la barrière. L'autre côté, la force obscure. Ah bah, je suis plus dans les moins de 25 ans, c'est terminé. Pour finir, ben. Peut-être qu'on fera d'ailleurs une émission plus sur la peinture une autre fois. En tout cas, ben que ça soit, je le disais, hein, le duo Sorbet Citron, Eve et Greg, que ça soit Greg en solo, que ça soit Lou aussi, que vous retrouverez dès lundi sur cette même antenne, hein, 107 FM ou sur site radiogemozo.eu. Ça sera 18h à 19h hein, oui. Jusqu'au vendredi. Avant quelques vacances, j'imagine. Ça sera la dernière semaine avant les vacances? Oui, dernière semaine avant les vacances de Noël. Ça fait du bien, un petit peu de se reposer. Et puis, Greg, j'en profite aussi comme ça pour citer, mais vous irez voir sur le site internet de Grégory Paradisi ou sa page Facebook, mais la date du réveillon, la Saint-Sylvestre, lundi 31, forcément, où je suis allé au bord du lac, à Jérémy. Tout à fait, c'est ça. Vous pouvez réserver auprès du chalet au bord du lac. Et toi, Eve, de toute façon, l'actualité, on le disait, avec le duo Sorbet Citron ou Last Time. Oui. Donc, on suivra également les pages Facebook respectives. Oui, merci. Et puis, est-ce qu'on se dit au revoir ou est-ce qu'il y a un dernier morceau qui est prévu? Malheureusement, là, je suis super à la bourre. Pas de morceau. Le dernier morceau, il va le faire dans quelques... Dans la voiture? Non, au chalet gourmand, dans quelques... Au chalet au bord du lac. Au chalet au bord du lac, pardon. Et puis, Greg, forcément, bon, peut-être avec le duo Sorbet Citron, avec Eve, mais aussi par rapport à ton album solo, au mois de mars, on espère que tu reviendras ici. Ouais, je reviens avec plaisir. Ouais. Peut-être dans une autre émission, mais pour en tout cas, faudra... Avec plaisir. Le clip à la radio. Le clip à la radio. Pour la diffusion du clip à la radio. Ah ouais, ça serait... Ça. Ah oui, c'est... C'est vachement sympa, ça. Donc, la musique, quoi, en fait. Pour peut-être, Lou, se dire au revoir, on va dire aux auditeurs que le prochain rendez-vous, là, il va y avoir de la musique, là aussi de la diversité, vous allez découvrir des artistes, notamment en musique indépendante, et des locaux, tout comme Eve et Greg. Mais à 19h, on te retrouve? Oui, pour le billet de sortie, le petit bouquet de fleurs hebdomadaire, donc florilège d'événements, pour le week-end et pour la semaine à venir, tout ce qui est sortie, musique, etc. Enfin, vous avez l'habitude. Au revoir. Comme elle dit ça bien avec au sa revoir, voix. Hein, avec... Oh, elle fait pour faire de la radio. Du coup, mon revoir, il est passé à l'as avec la voix. Salut! Ciao! Salut tout le monde! Ciao, ciao!